truc qu'elle n'a pas envie de faire. Ouais. Si ta nana, elle te dit, moi, j'aime pas l'anal, et tu lui dis, j'en ai rien à foutre, moi, je le fais, tu la respectes pas. Bah, oui. Elle a mal, elle aime pas ça, et tu la forces à faire un truc. Si c'est quelque chose qu'elle veut, si tu lui fais plaisir, tu la respectes, tu lui fais plaisir. Mais lui, il a l'impression de la souiller. Excusez-moi, il n'y a pas de pratique sale. Il n'y a que des pratiques de gens qui ne veulent pas les faire. S'il y a des gens qui ont décidé, vous, il y a des choses que vous trouvez sales, peut-être que vous trouvez sale, j'allais loin, mais de se faire pipi dessus, d'être habillé en latex et de transpirer. Mmh. Et il y a des couples qui vont trouver ça génial d'être habillé en latex et de transpirer. Ouais. Ça fait plaisir à madame, ça fait plaisir à monsieur. Et quand ils ont fini de faire l'amour, ils sont peut-être à nouveau les meilleurs papa et maman du monde, les meilleurs maris du monde. Et ils vont à la douche et ils ont kiffé leur soirée. Le sexe, ça n'est juste que si l'autre a envie de faire la même chose que toi. Oui, mais enfin, c'est pas une obligation en plus. Si elle lui a juste proposé à la base pour lui faire plaisir ou comme ça, et que lui, ça l'intéresse pas, ils peuvent très bien vivre comme ça là, aussi. Là, j'ai parlé avec des mots gentils. C'est juste pas normal de pas se faire sucer. C'est-à-dire qu'il y a juste à un moment donné, excuse-moi, mais ta nana, si elle kiffe ça et qu'elle tombe sur l'un des rares mecs qui n'aime pas ça, à un moment, ça va la saouler parce qu'elle va avoir l'impression de faire toujours la même chose. C'est pas qu'il aime pas ça avec elle. Il la respecte trop. Ça veut dire que tu pourrais le faire avec une autre nana. Ouais, c'est ça. Oh là là, mais c'est horrible. Ouais. Oh oui, bah oui, c'est horrible. Mais elle, elle nous rappelle une fille qu'on connaissait qui veut bien faire un plan à trois, mais pas avec son mari. Ouais. Horrible. Ouais, je vois pas, ouais, c'est je vois pas du tout qui c'est, mais on la connaît. Ouais, c'est du respect. C'est du respect, je respecte mon mari. Non, mais moi, elle est belle celle-là. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'histoire de respect ou de pas de respect. Tu peux être très amoureux de ta nana, la respecter. Si elle a envie de ça, à un moment donné, je vais même aller plus loin, je pense que c'est en ne le faisant pas que tu la respectes pas. Parce qu'à un moment donné, elle a très envie d'un truc et tu lui offres pas. Enfin, les filles qui ont envie de ça, je parle de la solo machin, c'est quand même. Mais ça va loin, mais la gâterie, ça passe. Après, la gâterie, ça a l'air simple pour nous, les gars, mais je crois qu'il n'y a pas autant de. La plupart du temps, c'est pour faire plaisir à ton mec qu'elles font ça, les meufs. Excusez-moi, il y a des filles qui. Vous avez des filles qui sont clitoridiennes. Mmh. Qui n'aiment pas dans le vagin. Vous avez des filles qui sont vaginales, qui n'aiment pas qu'on leur tripote le clitoris, ça les énerve. Il y a des nanas qui adorent qu'on leur touche le bout des seins. Il y a des nanas, ça les énerve qu'on touche le bout des seins. Mmh. Et ben, vous avez beau pour concevoir, pas le concevoir parce qu'il n'y en a pas dans cette équipe, mais il y a des filles qui ont découvert l'amour anal et qui préfèrent ça parce qu'elles prennent plus de plaisir. T'en as pas connu beaucoup. T'en as pas connu beaucoup. Bah, moi j'en ai connu. Et à un moment donné, il y en a beaucoup. Et notamment toutes les nanas qui nous écoutent, qui assez jeunes pour des raisons de virginité et de religion, l'ont pas fait d'un certain côté et l'ont fait de l'autre. Elles ont parfois pris plaisir de l'autre côté. Ah, et ça les fait plus kiffer d'un côté que de l'autre. Tous les goûts sont dans la nature. Alors oui, il y a des gens qui ont plus d'envie que d'autres. Il y a des mecs qui aiment bien qu'on leur touche doucement les couilles. Il y a des mecs qui aiment bien qu'on leur fasse un peu mal, qu'on tire, qu'on machin. Ah, ouais. Chaque fois, chaque personne a des goûts différents. Ouais, taper ta souris, c'est marrant. C'est comme le doigt aussi. Non, mais. Oui, il y a des nanas qui vont aimer les doigts. Il y a des mecs qui. Enfin, il y a des gens qui ça énerve. Il y a des mecs qui kiffent le nasal, aussi. Ah, le nasal. Ouais. L'oculaire. Dans l'oreille. Mais ça fait des bouchons de cérumen après. Non, ça te nettoie le bouchon de cérumen. Oui, mais t'es d'accord que dans un couple, le meilleur équilibre, c'est d'être. Amis, amoureux et amants aussi. Mais le meilleur équilibre, c'est de trouver les gens qui se font ce qu'ils kiffent réciproquement. Ouais, c'est ça. Si t'en as un qui aime un truc et pas l'autre, il y a un moment donné, ça va merder. Ouais, parce mais c'est super rare. Là, c'est pas qu'il aime pas, c'est qu'il la respecte trop. Et vous savez ce que j'en pense, hein. Ouais. Quand la personne avec qui tu es n'aime pas ce que tu lui fais ou veut des trucs que tu lui fais pas, c'est que c'est pas la bonne. Faut se barrer. Faut même arrêter avec les pâtes à la carbonara. Des fois, vous êtes tous là en train de dire oui, mais tant qu'on s'aime, on peut faire un effort. Non, faites pas d'effort, ça fait chier. La vie, elle est trop courte. Passez votre vie à faire des efforts. Excusez-moi, si vous les nanas, vous aimez vous faire taper la tête contre l'oreiller et que votre chérie vous fait des trucs à deux à l'heure en disant je t'aime bébé, vous faites chier. Ah, fais gaffe, ça te prend au nez, mec. Vous faites chier et il y a juste un moment donné, elle va se barrer. C'est comme ça. Donc il y a un moment donné, autant se dire assez tôt, écoute, on n'est pas raccord, c'est pas grave. Ouais, mais elle est comment ta copine? J'ai oublié son prénom. Elle a pas de prénom. Elle est comme ça, elle a un prénom imaginaire. Non, mais elle est comment elle? Le truc, la sodo, machin, elle te l'avait proposé pour faire plaisir, t'as senti ou c'était parce qu'elle en avait envie? Là, t'es mort. Bah oui. Je pense qu'elle aime bien. Mais fais-lui plaisir. Bah oui, là, t'es con. Hein. Parce que là, tu réagis pour ton truc à toi. Oui, mais c'est beau aussi de la respecter pour le coup. Mais ça veut rien dire de la respecter. Je fais pas. Oui, le mot respecter ne veut rien dire. Elle le veut. Peut-être qu'il va se sentir sali après de lui avoir fait ça. Ne pas respecter. Mais je suis d'accord avec toi. Ou alors tu lui fais et tout le temps tu dis oh pardon, ah je m'excuse, ah je suis désolé. Mais tu sais quoi? C'est toi qui la respecte pas parce que tu te fais plaisir. Tu t'écoutes toi, tu dis non, moi je ne veux pas. Donc comme je ne veux pas, elle n'aura pas. Bah, tu penses pas à elle. C'est comme si tu disais j'aime pas les chez ma nana, bah comme j'aime pas ça, elle n'aura rien. Bah non, si elle demande. Ouais, mais il y en a qui font pas, je suis désolée. Hein. Eh bah oui, mais je redis toujours la même chose. Si vous ne voulez pas le faire avec votre nana et que votre nana est malheureuse parce que vous lui faites jamais, vous étonnez pas si un jour elle se barre ailleurs. Parce qu'à un moment donné, c'est égoïste. C'est que vous ne pas, c'est dégueulasse. Pietre, il veut pas le faire, mais il le dit que c'est un égoïste. Ouais. Mais à un moment donné, moi, je fais pas. Si vous ne faites, si vous faites pas ce que aime votre nana ou réciproquement votre mec, vous étonnez pas qu'il se barre ailleurs. J'ai pas confiance. Il y a un moment, j'ai un truc qui m'attrape, qui peut sortir, j'ai un truc qui m'attrape la langue. Parce qu'aujourd'hui, Tinder, Facebook, machin, Enco, je peux vous dire que si vous faites pas plaisir à votre partenaire, en moins de quelques semaines, des tentations, il y en a des tonnes qui déboulent de partout. Ouais, mais après, il est amoureux, il y a pas que ça qui compte pour lui. Ouais, c'est pas vrai, les histoires de cul, elles arrivent tous les jours et chacun trompe tout le monde, même en étant amoureux de l'autre, faut arrêter les conneries. Enfin, arrêtez, on n'est pas dans le monde des bisous. Ah, comment tu défonces le mythe? Mais je suis pas défonce le mythe. Tinder est rempli de mecs qui sont tous en couple, qui sont tous mariés et qui disent tous oui, en fait, je suis marié, mais ça ne va pas bien avec ma partenaire. C'est triste. Mais c'est pas triste. C'est rempli de gens qui se font chier à la maison et où leur nana fait pas ce qu'ils veulent. Et ben ils ont dit tant pis, on restera comme ça. Mais dès qu'elle a le dos tourné, bim, je m'en fais une autre. Bah oui, bah si tout le monde était synchro sur le cul, il n'y aurait pas de gens qui se trompent. Votez Coé. Ce parti sexe. Hashtag Coé président. Mais non, mais c'est juste, personne n'ose se l'avouer, on préfère aller tromper l'autre sur Tinder ou sur machin. T'as raison. Juste parce qu'on n'ose pas dire, écoute, c'est pas grave, on s'entend pas au lit. Bah voilà. Oh, j'étais trop bon, putain, j'étais trop bon. Vous savez quoi, je vais mettre en pause jusqu'à demain. Ça mérite une pause. Tu peux rendre l'antenne à Guillaume. Oh là, je suis haut là. Je crois que c'est le moment où on peut rendre très haut. Je te fais un gros bisou, mon pote, je t'embrasse. Bisous, merci, à bientôt. A bientôt, Pitbull sera notre invité dans quelques jours. Eh, hey, Stouff, on t'a pas entendu aujourd'hui, ni vomir, ni bagarre. Rien du tout. Bien. Non, elle rigolait à ce que tu disais. Oui, voilà. Elle écoutait attentivement. Alors vas-y, attention, donc nous allons terminer cette émission et la laisser à Guillaume en vous faisant un bisou. Julie, Pierre, Guiguette, on se dit à demain. N'oubliez pas, émission spéciale avec Gad Elmaleh qui sera notre invité Kev Adams ce mercredi. Ouais. On va se faire lundi prochain. Il y a Kinvé qui sera notre invité lundi prochain. On aura Pitbull bientôt, on aura Alvaro Soler, on a MHD qui va revenir. On aura Lady Gaga qui sera notre invité, mais nous terminons par le mot de la fin de Stouff. Ah. Bonne nuit. Coé revient demain dès 19h sur Énergie. Ils arrivent à le faire pendant 2 heures sans s'arrêter. De 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Sur Énergie 22, j'étais pas sûr que ça soit fini un truc là. Bon, soyez les bienvenus, Guillaume Radio 2.0 tous les soirs, hein, 22h jusqu'à minuit. On est là pendant 2 heures sur Énergie, Guillaume Radio 2.0. On termine les journées. J'espère que vous avez passé une bonne journée aussi, que le boulot s'est bien passé, les cours. On sera Pitbull, on sera Florida, on sera Soprano, on sera toutes les nouveautés qui arrivent tout à l'heure. Il y a Valentin qui a appelé. On va se tenter un nouveau défi ce soir. On va essayer de le faire. Vous pouvez le faire de chez vous. C'est assez rare qu'il y ait des défis comme ça. J'adore faire ce genre de truc parce que vous pouvez le faire dans la voiture, dans le lit et tout ça. Tout le monde va pouvoir le faire, même si vous êtes dans le noir. On va se le faire dans 2 minutes. Je salue d'abord le premier qui est arrivé du 75 de Paris. Bonsoir Valentin. Allô. Oh, vous allez bien? C'est qui, papa? Vous allez bien? Ça va ou quoi? Enchanté. Hein. Valentin, 16 ans, c'est ça? Ouais. Déjà passé à la radio ou jamais? Non, j'en ai... Jamais on peut celle des puces là, j'ai mal. On salue toute l'équipe et on commence le défi là. Bonsoir GS Stagiaire. Bonsoir Guillaume, salut tout le monde. Bonsoir à toi, bonsoir JM du Standard. Salut Guillaume, salut à tous. Bonsoir à toi, bonsoir Julia. Bonsoir Julia. Salut Guillaume. Quand j'allume son micro, on l'entend. Bonsoir Flo les cadeaux. Salut Guillaume. Bonsoir. Salut tout le monde. Il a coupé les cheveux courts. Ouais. Ah ouais. J'étais au coiffeur ce week-end. Il a fait sa petite coupe de catin. Dimanche, Flo des cadeaux là. On fait ça comment, samedi, dimanche, samedi avec mon meilleur pote, on allait tous les deux. C'est génial. De entre copines. Oh, c'est ouais, clair. Oh, c'est super. C'était rigolo. Bah, ils se sont bien amusés. Voilà. Ah, voilà. C'est principe. Hein, voilà. On a des cadeaux, Flo des cadeaux. Qu'est-ce que t'as récupéré? Ouais, il y a des Xbox One, des PS4 et des tablettes Samsung Galaxy Tab A. J'allais dire, ils vont en faire une sorte de game. Eh ben non. Ouais. Presque. Et des FIFA 17. Ah ouais, alors très bien. Ouais, on a des FIFA 17. Ça y est. En voiture, voilà. Sur là, PS4. Mon gars, et on a reçu un carton, une pelletée. Ah oui. Non mais vraiment, hein, pour le coup, sur PS4, là. Donc ceux qui ont la PS4 qui veulent FIFA 17, je vais vous enfiler dans 2 minutes, là, direct. On va distribuer les FIFA. Je sais que ça fait plaisir à chaque fois qu'on a un nouveau FIFA. Tous les ans, c'est un peu le rituel de septembre. Oui, la rentrée. Il y a la rentrée et les FIFA. Et voilà, on vous file ça sans problème. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop. Si vous voulez balancer un message, une dédicace, hein, voilà, comme ceux qui ont le Perfect Illusion de Lady Gaga. Enfin, vous voilà trop contente. Bonsoir Anaïs du 06. Bonsoir l'équipe, vous avez manqué ce week-end, trop contente de vous écouter. Bonsoir Caro du 79. Eh ben voilà, retour du week-end, bonsoir Caro du 79. Salut. Julia m'a appelé tout à l'heure, elle est toute gentille. Essaye de dire Natacha, pas son chat qui s'échappe à ceux qui fâchent sa chat. Oh là, oh là, là. Trop dur. Je l'ai lu en découvrant. Ouais. Salut les mecs, trop content de vous entendre, c'est qui le papa? Salut Thomas du 27. C'est qui le papa? salut à Fab aussi. Je donne une carte blanche à ma femme enceinte. J'ai kiffé. Ah, alors attends, on va en parler justement. On avait commencé le sujet vendredi. On avait dit est-ce que vous seriez prêt, si vous êtes en couple, à laisser votre femme aller faire l'amour ailleurs et tout. On va en parler ce soir justement. Ah, c'est dur quand même. Vous êtes hyper nombreux à nous passer des coups de fil à chaque fois pour parler de cube. On va en parler tout à l'heure aussi. Vous m'envoyez les textos hein, au 6-11-12. Voilà, il faut juste balancer au 6-11-12 le texto et commencer le message par Guillaume. Ça, sinon, il n'arrivera pas ici. Donc voilà, Guillaume, vous mettez une petite dédicace, un coucou, un message. Si vous arrivez une galère, vous en avez ras le cul, vous lui racontez un truc, il vous arrive un truc de fou aussi. Bonne nouvelle, ouais. Pas de problème. Et toi, tu es en quelle classe, Valentin, alors là? Là, moi, je suis en prépa. Prépa quoi? Prépa pro, là. Prépa pro, ok. Ouais, vas-y, bah, dis, sois le bienvenu, alors, prépa pro. T'es Paris, t'es Paris dans le combien? Dans le 65. Dans le 60. Combien? Ah, 65. Ah, je déconne. T'es dans quel arrondissement? Je suis au niveau de. Ah, tu voulais pas dire d'où tu as pris. C'est un secret alors. Putain. Merde. On a un bug de standard. Ouais, ça arrive. On a un bug de standard ou on s'est fait ken. Bah, l'un ou l'autre. Mais c'est pas grave. Ouais. Pour quelqu'un d'autre, Julien. Bah, oui. Attends, j'ai un doute ouais. Sur le. Bah, il sentait un peu le mec chelou. Il sentait un peu le sgeg, hein, ouais. J'ai le standard. Ouais, je suis d'accord. Ça pue, ouais. Bonsoir, Guillaume. Ce serait super cool d'avoir. Eh ben, vous savez quoi, je vous file les FIFA maintenant. Et dans deux secondes, on fait le nouveau défi. Alors, c'est énorme. Ça, c'est vraiment. Je vais me chronométrer. Je vais vous dire le record du monde à combien il est. Ouais. Attention à ne pas faire si vous conduisez. Ah, surtout pas. Ah, c'est dangereux un peu. Ah, vraiment. Tout le monde peut le faire dans le lit, dans le pieu. Vous êtes sous la couette et tout. Il n'y a pas de problème. Vous êtes devant l'ordi, vous êtes devant la PS4 tranquille, mais pas au volant. Faut faire même un peu attention. Ah ouais. Ouais, attends. On est d'accord. Ah non, c'est clair. Ah, c'est clair. Ce week-end, je me suis fait sodomiser pour la première fois par un troupeau en foyer. Si j'ai cette règle du 13. Bah, lis pas ces messages. C'est quoi, je vais reprendre au standard et je vais vous appeler là. Vous savez quoi, j'en prends plusieurs. Vous m'envoyez Guillaume, un espace FIFA, avec votre numéro là. Guillaume, un espace FIFA, avec votre numéro au 6-11-12. On a filé une vingtaine de FIFA direct. On va en prendre quelques-uns à l'antenne direct là. Voilà, Guillaume, un espace FIFA, avec votre numéro de téléphone au 6-11-12. J'ai raté l'émission vendredi, j'ai pleuré tout le week-end. Salut à toi. Salut. Ah bah sur energie.fr, bah oui, il y a les podcasts, hein, les mecs. Hein. Trop heureux de vous écouter, sauf Julien Stagiaire. Salut, bah Clément, 91. Ah, c'est méchant. C'est pour Julien, on l'a vu à la FNAC de Boulogne samedi. Est-ce qu'on pourrait avoir une dédicace? C'est trop bien à Boulogne, ouais. Il y a plein de gens qui étaient là. Ouais. Ah, c'est vrai? Ouais, Eden, ouais. Lena, on Clara, a parlé. Daniela et Melinda. Ouais, c'est grave sympa, on t'adore. Salut à toi. Ah, ils sont sympas, trop de fakes de doigts, je parle actuellement à plein de fakes sur internet. Ça rend fou. Bon, allez-y, les mecs, je vous file des FIFA là. Allez-y. Guillaume, un espace, et puis FIFA avec votre numéro au 612. J'arrose la France de FIFA 17. J'arrose la Belgique de FIFA 17. J'arrose tout le monde de FIFA 17 si vous en voulez maintenant. Et on va tenter ce défi. Alors ça tourne partout sur internet. Il paraît que c'est très difficile. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le mec qui a réussi à le tenir le plus au monde, il est tombé dans les pommes. Ouais. Donc on va essayer de faire mieux. Alors il faut pas le faire. Non, non. C'était cardiaque. C'était asthmatique. Il faut pas le faire. Tu sais, le timing, JM du Standard. J'ai pas vu exactement. Ah, t'as pas. Moi, je suis allé voir le timing précis. Ce qui est bien, c'est que c'est JM du Standard qui est censé me préparer. Et c'est moi qui lui apprends les chiffres et tout ça. Ça n'a pas changé. Mais en tout cas. Ça s'appelle le défi Yeah Boy. En gros, le but du jeu, c'est de faire Yeah Boy. Et en fait, de durer. De traîner sur la fin. 41 secondes. C'est le record du monde. C'est de l'apnée un peu. Et alors, écoutez juste comment ça se passe au début. Yeah Boy. Bon, sauf que le mec, à la fin. On va pas l'écouter tout le long parce que c'est relou. Ah, je vais vous faire écouter là, au pire juste. 40 secondes, il a tué. Voilà, écoutez. Et il est vraiment tombé dans les pommes, il s'est filmé. Il se casse la gueule vraiment. Et c'est pour ça que ça a fait le buzz. Donc c'est à ne pas reproduire si vous conduisez. Ouais, j'ai pas de souffle. À ne pas se forcer non plus, mais juste à peu près. Hein, quand vous voyez que vous êtes à bout de souffle, vous arrêtez. C'est juste pour voir combien on peut durer. Je vais dire top, on va le faire tous ensemble. Flo des cadeaux, Julien, vous allez le faire aussi. Ouais, on va tous dire yeah boy. Et après, on le fait à voix haute, hein, d'accord. Ouais. Et quand on a perdu, quand on s'arrête, on fait perdu. Voilà, comme ça on entend qu'il a perdu. Ah, je suis stressé. Préparez-vous chez vous, on va le faire en même temps, d'accord. Allez-y, hein, Guillaume et FIFA. Voilà, Guillaume, au début du texto, un espace FIFA avec votre numéro de téléphone. Vous me le balancez au 6-11-12 si vous voulez pécho des FIFA sans problème. Là. On se fera aussi. Je garde la foi, je suis le chasseur de la proie. Ouais, ça va être toi, seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir. Croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui, tout va bien, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Je vois les gens essayer d'en tirer. Ils voulaient me la faire à l'envers, il est beau. J'suis pas le number one, mais j'écris, j'ai les gros. Album sur album, du tout, il est yo, yo, yo, yo. Plongé dans le monde de la vie, de l'envie, des ennuis. Protège bien tes arrières. Allez, on va se s'écouter en entier. Gims et Jules, là, dans 30 secondes, les potos. Mais d'abord, attention, Julia, mets le casque sur ta tête, là. Oui. Flo des cadeaux, prépare-toi aussi. Je suis prêt. JM du standard, jeune stagiaire. Préparez-vous, on se concentre. On va prendre le logiciel, je vais vous faire les FIFA. Hein. Guillaume et FIFA avec votre numéro au 6-11-12. J'en fais plein, là, d'un coup. Sur PS4, hein, je précise. Et là, attention, dans 10 secondes. Alors voilà, décontractez-vous, respirez bien. T'as fait un truc doux là. Quand tu soufflez. C'est le boy qu'il faut allonger. Hein. Voilà, il a compris. J'ai fait ton cul. Il faudrait ma bite dans la narine, hein. Quand ton oreille. Je fais face de pervers, ça nous détend. Voilà, alors soufflez bien. Le but du jeu. Faire le yeah boy et durer le plus longtemps possible. Attention, 3, faut le faire à voix haute. Hein. Ouais, ouais. 3, 2, 1, top. Yeah boy. Toi, t'as fait 27 secondes. Il a pas la notion du je suis en train de faire un bruit désagréable. J'aime ça, il a plus cette notion. Il a perdu ce truc. Hein. J'ai fait 15 secondes quoi. Dans les prisons de Nantes, landidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulido dernier y avait un prisonnier. Feras-tu les tournées dans la Bretagne? Ah ouais, avec plaisir, on va venir voir, grave. Il le dit dedans. Personne ne va voir que la fille du geôlier, à la fille du geôlier. Salut à tous les mecs de Nantes. Un jour il lui demande, un jour il lui demande, oui que dit-on de moi, que dit-on de moi. Ça c'est grosse musique bretonne, Trianne. On dit de vous en ville. Attends, hé, dédicace à Dijon. Sur la route de Dijon. Je te salue, ma belle Dijon. Dédicace à tout le monde. Attends, il y avait quoi d'autre? Putain, j'en ai plein des trucs pour les villes. Attends, ah, Bordeaux, allez, attends, dédicace et Toulousain. Stade de Toulouse, stade de Toulousain. Oh, Toulouse. Tu reconnais bien là le style des bateaux de Marseille. Et Vin et Marseille. Violet. Get my niggas in. J'ai toutes les villes. Allez, qui c'est le plus fort évidemment, c'est les Verts. Nous on joue au football et Saint-Étienne. On n'a pas de frontières. Moi ce jeu vaut, c'est Montpellier. Le bon ciel Montpellier. Dans hier j'ai pris 230 à Montpellier. Et Nice, Nice, ville de mes amours. Le Pilou-Pilou de Toulon, le Havre. Paris. Je la retrouve plus belle et noble. Grenoble, dédicace la capitale. Je fais des dédicaces dans les villes. Grenoble. Ah, et. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Bon, il y a Mathias qui a appelé aussi ça. Mathias de Strasbourg. Ouais, ça va au top. Ça va, frérot, quoi. Salut. Tranquille. Ouais, ouais, ça va au top. Eh, tu peux couper le haut-parleur, s'il te plaît, ou la radio derrière, ou le baisser le son de ton téléphone, Mathias. Ouais, alors est-ce que c'est mieux, là? Ouais, bah, dès que tu couperas ce qu'on te dit, ça sera mieux. Déjà passé à l'antenne, toi, ou c'est la première fois, là? Non, c'est la première fois. Ah, bah, écoute, fois, ouais, tranquille. C'est ça, ça fait plaisir. On casse le pucelage. Tire dans la rondelle, enchanté. Eh ben, bienvenue, Mathias. Les amours, ça donne quoi, Mathias? 17 ans, c'est ça, Strasbourgeois, 17 ans? C'est ça, le barin. Exactement. D'accord, c'est ça, exactement. Enchanté. Déjà Ken, pas Ken? Ouais, déjà Ken, ouais, déjà Ken. C'est bien, là, attends. Applaudissements du peuple. Bravo. C'était quand? Comment elle s'appelle? Juste le prénom. Non, je vais peut-être pas le dire ça. Oh, le prénom. Alors on n'y croit pas. Pour moi, c'est du mytho. Bah, ça y est, alors. Ah, un prénom. Ça sent le mec qui s'est dit je vais me taper devant les potes, je vais me taper là devant les potes, sinon je sorte un dos. Non, je vous promets, promis. Non, mais c'est pas grave. C'était un homme? Ah, peut-être. Ah ouais, oui, ouais, je suis un homme, exactement. Non, non, mais est-ce que c'était avec un homme ta première fois? Ah non, ton partenaire. Non, non, c'était avec une femme. Non, mais t'aurais pu avoir. Non, non, mais je respecte. T'es ouvert d'esprit. T'aurais pu avoir un bélo. bisous au psych, salut le psych. Salut. Peloton, gendarme. Ouais, les trucs d'intervention. Vous êtes au top, continue comme ça. Merci, un autre message qui vient d'arriver là. Hey, j'offre des FIFA dans deux minutes. Et Mathias, alors Mathias, content de te recevoir, Mathias. Merci de la mire, oui, déjà. Bienvenue. Avec plaisir. C'est un super plaisir. Hein. Donc Mathias, toi, t'es plutôt bizarre comme garçon, c'est plutôt normal. Si je croise beaucoup de gens chelous en ce moment. Hein. Non, je parais normal en tout cas. Non, c'est vrai, il y a beaucoup de gens bizarres. Hein. Ah bon, ça? Je te jure. Ah ouais, ouais. Dans la rue. Ah ouais. En fait, moi, je trouve vite les gens bizarres. Ah. Ça, par exemple, JM du standard, je trouve bizarre. Ouais, mais... moi, je suis bizarre. Non, mais c'est vrai. Non, mais attends, il est un peu bizarre quand même. Bah, ouais. Déjà, t'es un peu bizarre. Ah oui, toi, t'es chelou. Ah oui. Alors, pourquoi, mais comment il s'est lâché, quoi? Par rapport à un autre mec, pourquoi tu es bizarre? Parce que t'es chelou. Bah pourquoi? Non, mais attends. J'ai deux bras, deux jambes. Ah, vous êtes tous les deux chelous un peu. Ouais, ouais, bah alors on est tous bizarres. Même Flo des cadeaux, il est un peu chelou. Bah, oui, ah, chelou, voilà. Tout le monde est bizarre. Non, je sais pas, j'ai l'impression que je suis seul normal. Non, non, non. Julia, elle est bizarre aussi. Non, j'ai l'impression d'être le seul dans la norme. Ah, non, c'est ce que tous les gens chelous disent. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je suis pas un tueur. Je suis pas fou. Je suis pas fou. Ah, mais tain, j'ai vu. J'ai Ken, JM du standard ce week-end. Pas du tout. JM ça s'est fait soulever. Non, même pas. Sur une table de boucher. Non. Dans un abattoir. Non, non, c'était pas moi. À Marseille. Non. C'est pas enfilé dans un. Suspend dans un abattoir. C'est pas moi. Il y a personne qui me suspend. Là. C'est fait suspendre par les deux pieds. Non. Dans un abattoir. Pour une séance photo sadomaso, Jackie Michel. Ah. Ça s'appelle à l'abattoir d'Anderlecht avec. À l'abattoir d'Anderlecht avec. C'est comme un film Dick Henneck avec Claudie François Damien. C'est le nom de. François Damien, c'est François Lambrouille. Ouais, c'est ça. Il a fait un film et c'est énorme. Dick Henneck, si vous connaissez pas, c'est vraiment un film de fou aussi. Hein. Ça, le réalisateur, il était pas normal. Hein. Bah, le film, il est marrant. Olivier Dickenek, le réalisateur, il est énorme. Bah ouais. Bon, en tout cas, on est là ce soir, il est 22h18. Mathias, qui est là de Strasbourg. Alors, bon, apparemment, t'as une galère avec un de tes potes, c'est ça le dos là? Exactement, ouais, j'ai une énorme galère. Ouais. Je raconte direct ou pas? Non, on va parler un petit peu de, attends, demain, de ta bite avant. Avant la pub, c'est la bite, et puis après la bite. Non, j'en sais rien, ça dépend, on peut parler. T'aimes bien les montres, Mathias? Bah, j'aime bien ça, ça ouais, va. T'as quoi comme montre? Tu t'es acheté une petite. Là, j'en ai pas sur moi. En ce moment, j'en ai pas sur moi, tu vois. Ah, c'est vrai, ouais. Une flic-flac. Ouais. Moi, j'ai pété la mienne. Je vais te dire un truc, j'ai acheté une montre de merde. Et malheureusement, je suis en moto. Et il a plu, et il a pris l'eau. Et il marche plus, quoi. Ah merde. Ah ouais? Voilà, c'est merde. Super. Hein, elle était pas waterproof, quoi. Voilà, elle était ni proof bah, merde. Court, en fait. Elle était même pas parce que waterproof, ah, c'est sous l'eau, je crois. Ah, oui. Ça veut dire eau proof. Elle était pas water du tout, quoi. Water addict et tout. Elle était pas motoproof, quoi. Pardon, j'ai sorti un. Non, c'est pas. Elle était pas quoi? Motoproof. Oh là. Non mais tu sais ce qui me fait peur, Mathias. Ce qui me fait peur, c'est que ce mec-là, il fait partie de mon équipe. Je vous le vends. Et si un mec qui commence une émission de télé là, je cherche un gars pour vous plomber l'ambiance. Non. Vous m'appelez, vous me donnez votre numéro et sur puis le bon vous, vous le vends. Je vous le vends. Ouais. On peut l'échanger au marché, j'aime le standard. Sur eBay aux enchères, c'est mieux. Ça augmente. Tu sais, le mec est lourd en plus. C'est un mec. Ce mec, hein, c'est incroyable. Hein, Mathias, il est bizarre. Hein. J'avais raison quand je disais qu'il était bizarre. Ah, lui, ouais. Dans la rue, quand même, c'est vrai que je croise rarement des mecs comme ça. Quoi. Non, il fait peur. Hein. C'est vrai. Hein. Non, je suis on l'avait vu un jour. Tu t'as remis ton petit t-shirt bleu, James Sandard. Eh ouais. Le même qu'il y a 5 ans quand je l'ai rencontré. Ah, non, il y a 2 ans. L'avantage, ce qui est bien, c'est qu'avec James Sandard, ça n'évolue pas. Non, mais je t'explique. Tu rencontres le mec, 5 ans après, c'est le même. Je reviens il n'a pas bougé. Je reviens de Marseille, Guillaume, c'est pour ça, il était chez mes parents, je le mets plus. Ah, c'est vrai. Et qu'est-ce que ça nous intéresse? Là où est l'intérêt pour la France, James Sandard? Le mec, il est énorme. Parce que j'ai pris le premier tiroir. Ah, on est c'est la faute que t'as deux tiroirs, j'ai mis en arrière, j'ai des pains. Ouais, excuse-moi, Mathias, je suis désolé. Non, il n'y a pas de problème. J'ai une équipe qui est dissipée ce soir. Ouais. Hein. On est fou. Je sais pas ce que je le revends sans blague, par contre. Hein. Alors, on l'échange. Je revends, on peut faire un transfert, c'est un contrat de CDI, c'est l'année. C'est la radio qui est intéressée, ouais. J'ai pas. Avec option d'achat et tout. Attends. Merci, j'aime ça. Oh là là, ouais. Ouais, le lourd. Et c'est énorme. Et le mec, il faudrait que je t'achète une casquette. On l'a déjà. Comme ça, on sait qui tu es direct. Le lourd. La casquette avec les listes. Voilà. Oh putain. Oh, mais... Tu sais le cousin bourré que t'as à table, bah, moi je l'ai à la radio. Ouais, moi je suis pas bourré. Moi je l'ai à la radio. Ouais. Tu sais qu'on a comme projet Mathias, hein, mais on n'a pas le droit de le dire, hein, non, de se faire une émission bourrée, mais hors antenne. Ouais. Et qu'on ne diffusera d'accord. pas. Parce que même si on diffuse ça sur YouTube, on va se faire un chier. C'est sûr, on peut pas. Ouais. Et en fait, parce que je me demande en fait à quoi ressemble le régime du standard bourré. C'est quoi, tu le vois en boîte. Il arrive pas à la radio. C'est vraiment le mec qui est ce qu'on appelle le déchet non, au fond de la boîte. Dès le premier verre. Non, c'est pas vrai. Et alors, vous savez que normalement l'alcool rend lourd, alors je te dis pas le mec qui est ça m'a l'air lourd. Oh là là, putain. Bon, alors, mon Titi, là, mon Mathias, qu'est-ce qui t'arrive alors? En gros, tu t'es. En fait, t'as embrassé l'ex de ton meilleur ami. En gros. Exactement. Moi, j'ai un problème du coup avec mon meilleur pote. J'ai embrassé son ex et il me fait carrément la gueule. Mais vraiment. Ah, c'est normal. Moi, je prendrais pas bien. Ouais, je sais, c'est pas bien. Je sais, mais voilà. Ouais. Je sais bien. C'était lors d'une soirée. J'ai pas voulu et ça s'est fait au final. Et voilà. Je regrette, j'avoue, mais je sais pas comment le récupérer. Ouais. Vraiment. Ouais. Ouais, je suis en galère. Moi, franchement, si y a un de mes meilleurs potes qui embrasse mon ex, même si c'est mon ex, je trouve ça pas bien. J'ai des potes comme ça d'ailleurs, un petit peu fourbes. Ah ouais, non, mais je me dis, lui par exemple, sur les meufs, je lui ferais pas confiance. C'est sûr. C'est vrai, il y a c'est vrai. James, un ami à qui tu ferais pas confiance sur les meufs. Non, ça veut dire que c'est pas un ami. Ouais. Franchement. T'en as des potes comme ça, oui. Non. Non, des connaissances. Ouais, voilà, des connaissances, ouais. Où il y en a. Quand tu vas en soirée, ouais. Où tu sens que le mec. J'espère si ne pas croiser ton ex. Voilà. Tu la présentes pas. Exactement. Ouais, et si tu te barres, tu sais très bien que le mec, il peut très bien la pécho. Ça peut arriver, ouais. C'est un chacal. Et du coup, tu parles plus à ton meilleur ami, Mathias. Du coup c'est plus lui qui me parle pas en fait. Ouais, ah oui. Enfin vous parlez plus. Résultat le même. Est-ce que pareil, et pour quelle raison vous avez déjà une rupture amicale, Guillaume, et votre message au 6-11-12, venez réagir et tout, et je file les FIFA juste après. C'est parti, hein, jusqu'à minuit. Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Les meilleurs hits. Ok. Vous allez bien. Gagnez des consoles PS4 pour la sortie du film Les 7 mercenaires avec Énergie. Je crois qu'on va devenir potes. Écoutez Coé de 19h à 22h sur Énergie et gagnez des consoles PS4. Je parie que ça va mal finir. Les 7 mercenaires avec Denzel Washington et Chris Pratt le 28 septembre au cinéma. Aidez-nous, je vous en prie. Avec Énergie, it's music only. Energy. Karma, karma. Come and do your part. Karma, karma. Don't you let me down, don't you let me down. I did not see her do it. One look and I knew it. Got me feeling stupid. Now I need a little help, 'cause I won't make it by myself. que deux choses à retenir. 22h, du lundi au vendredi, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez à l'antenne. Give me what I asked for, I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest, arena Venus, glow a genius, smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream. Pitbull Florida, on le fait juste après. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Allez, on file des, on les a reçus, Flo, des cadeaux, on a reçu des cartons complets, ouais, de FIFA. Et voilà, si vous voulez des FIFA, là, Guillaume, un espace FIFA, et votre numéro. Je vais en filer plein hors antenne. On en offre plein, là. On balance le FIFA. FIFA 17 sur PS4, il y aura des Xbox One tout à l'heure, des PS4 aussi au complet. Mais là, on file les jeux, les FIFA 17, les nouveaux. On les a avant tout le monde, en plus, là. S'il y en a qui en veulent, vous me dites, hein, Guillaume et FIFA, et votre numéro. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui. Bonjour, les miens. Sinon, vous allez bien? C'est qui le papa? Bah oui, dis donc, c'est qui le papa? Ça va ou quoi, tranquille? Bah ouais. Qui le BG? Il a quel âge, le BG? 14 ans. Ça va ou quoi? Salut. Quel âge, ouais. Tu viens d'où? Tu viens d'où, quelle ville? Tours. Et on finit par le prénom, le Tourangeau? Étienne. Ah, enchanté, mon Étienne. Enchanté. Étienne de Tours représente. Hein. C'est dédicace à tous ceux de l'Indre-et-Loire. Ouais. C'est un plaisir. Hein. Et je t'envoie le FIFA 17 demain, d'accord, tranquille. Ok, pas de soucis. Moi, tu voulais réagir, tiens, pendant que t'es là, on va filer plein de FIFA. Ouais. Et il t'est déjà arrivé, genre une rupture amicale, tu t'es arrêté de parler à un pote, vous êtes embrouillé pour une raison particulière? Ouais. Pourquoi? Enfin, c'était mon meilleur pote, et ouais, en gros, un jour, en fait, on était petits, hein, mais on a décidé de l'ignorer pour déconner. En fait, je me suis dit, il va revenir, et puis ça passait, et puis il est jamais revenu, et moi, comme un con, j'y suis pas allé. Ah ouais, ah merde. Ah, il est parti. Ah bah, c'est pas bien, ça, ouais, aussi. Hein. Ah non, je sais, j'ai déconné, mais on était petits, donc... Bah rappelle-le, bon, bah ouais, c'est pas un truc marrant à faire, au contraire. Le meilleur pote, faut les chouchouter. Ah, bah oui. Ah ouais, faut leur faire des cadeaux. J'ai un stagiaire. Faut leur faire des bisous. Voilà. Bah, tu peux faire des bisous à tes potes. Des bisous. Mais sur des. Trop d'intéressant. Non, mais sur. On est d'accord. Mais non, mais c'est amical. Et le mec, c'est une michto à buzz. Eh oui, en disant ça, tu me dis. Mais le mec, c'est une meuf de télé-réalité. Ah, alors sympa la comparaison. Non, mais c'est une michto de. Le mec, il est sur énergie pour faire des bisous à ses meilleurs potes. Non, mais c'est. Attends. Tu cherches le bâton pour faire traiter. Non, attends. Ah, si. Ouais. Alors attends, et donc tu parles plus à ton. Bah non. Enfin, je lui ai renvoyé un SMS pour lui dire, en fait, parce que j'étais hyper gênée, tu vois. Ouais. Des années plus tard, je me suis rendu compte vraiment de ma connerie, et du coup, bah, il m'a dit qu'il était hyper gêné aussi. Enfin, ouais, voilà, on se reparle, mais ouais, sans plus, quoi. C'est quand que tu vas piéger ton équipe, Guillaume? Oh, ça va arriver. Ah, parce qu'il y a un piège. Ne vous inquiétez pas. L'année dernière, je leur ai fait croire deux choses. Je leur ai fait croire d'abord que. On s'en souvient, ouais. Le jour d'Halloween, qu'ils allaient se faire avoir par un mec un peu possédé, tout ça, ça avait très très bien marché. On y a cru. Et ouais, voilà, avec Amina. Ont... Ah voilà, t'as entendu comment elle a chialé, Amina? Ah ouais. Et ben, je peux te dire qu'il y a un autre truc de prévu que j'ai pas pu faire déjà l'année dernière parce qu'il y a eu un attentat juste avant et je voulais faire une vanne, un truc mais qui avait rien à voir en plus. Mais je me suis dit bon, on est déjà tous sous tension, ça sert à rien. Ouais. Bah maintenant encore. Hein, c'est... c'est pour ça que. C'est pour ça que je ferai pas n'importe quoi. Non, je suis pas con. On a confiance. Par contre, j'ai un stagiaire. Il y aura des pièges cette année. Pas qu'ils font peur dans ce sens-là. Ah, on se méfie de toute façon. Donc, vraiment, il y aura des trucs. Je peux dire que j'ai organisé un truc là, ça va arriver, mais c'est pas encore tout de suite, donc j'en parle pas parce que c'est trop loin. En tout cas, mon Titi, là, on va t'envoyer le FIFA. Attends, j'appuie juste sur un autre bouton, j'enfile plein, j'ai dit là. 22h30, avec plaisir, frérot. Depuis quand tu connais mon émission, toi, Étienne? Ça fait un an et demi. Ah ouais, un an et demi. Un an et demi, t'étais jamais passé non plus, t'avais jamais appelé, t'as jamais eu envie de nous parler. Une fois. Et t'étais passé? Ouais. Ah, énorme. Allô? Ah, c'est une grosse voix, qui nous a monté. Fun Carrie James est là. Ça va ou quoi? C'est quoi ton prénom? Azno. Ça va, j'ai pas compris. Azno? Ah ouais, alors là, mon poteau. Ouais, Arnaud. Alors là, il faut vraiment que tu mettes un petit peu du tien, frérot, ouais, parce que je t'entends vraiment pas. Voilà. Là, c'est sûr que. C'est sûr que. Et en même temps, moi, à chaque fois que je dis ça, mais c'est vrai, c'est que ça vous prouve qu'on ne triche pas et qu'on ne prend pas des gens qu'on connaît. Ou... Parce qu'il y en a toujours qui se posent la question. Hein. Ouais. Ah bah là, est-ce que tu peux parler, s'il te plaît, Arnaud, Zozo, Enzo, Martin? Non. Ah, il a vraiment un téléphone de merde. De toute façon, quand ton téléphone, tu t'entends plus parler, faut le changer, hein, les gars. Parce que sinon, ça ne sert plus à rien, le téléphone. Hein. J'ai eu des ruptures deux fois avec un pote à cause de meuf. Ah ouais. Moi, un de mes meilleurs potes m'a bien enculé, quoi. Je te raconte ça. Allô? Oui, allô? Ah, putain, je t'entends mieux. C'est quoi ton prénom, ton petit nom, ton blasi? Allô? Ah, c'est Antonin. Antonin, ah, ouais. Putain, j'en connais rien, ouais, frérot, ouais, là. Ouais. Tu viens d'où, Antonin? Ouais. En fait, c'est un mot sur deux. Ouais. On a pris c'est bien. Un mot et après ça coupe. Antonin, je t'envoie le FIFA 17 sur moi. Bravo, mec, pour finir là. C'est... ouais, c'est clair. Je t'offre FIFA, par contre, tu t'achètes un téléphone. Ah, ouais, ouais. Ah, ouais. C'est chaud là. Ah, on a entendu rien. T'as compris. Ça fait quand même. Tu m'entends, Antonin? Ouais, ouais, je t'entends. Ah, mais oui, en fait, c'est toi qui parle pas en fait. Il faut réagir. C'est Antonin qui est rapide. Ouais. T'as quel âge, Antonin? J'ai 14 ans. Ah, bah oui, on t'entend. Ah, bah ça marche. De quelle ville, Antonin? Paris. Antonin, Antonin Bélier, de la famille Bélier. Ouais. Elle m'a dédicace alors. De où à Paris t'es, toi, Antonin? Non, moi, c'est 92 à côté. Ah, ok, très bien. Et Haute-Seine. Où ça? Levallois-Perret. Ah, bah, salut à Levallois. Pas de problème. Ouais. Là où il y a la DGSI. Ouais. Le siège. Eh, ouais. Exactement. Exactement. Ouais, je t'embrasse. Ouais, on... tu regardes un peu Squeezie, tout ça, là? Ouais, ouais, je connais. Ah, c'est ouais, ça, c'est à bas sur le côté de chez moi. Exactement. Ah, bah, il connaît les bureaux de Squeezie. Il est bon, ouais. Les bureaux de Squeezie, Squeezie. Exactement, ouais. Et ben, ah, tu les as déjà croisés là-bas? Non, je l'ai pas vu, mais je l'ai vu dans les vidéos. Il est passé à côté de chez moi, tout ça. Ah, exactement, exactement. Faut pas hésiter à sonner chez lui. Hein, ah oui, non, c'est pour rire, c'est pour rire. Non, il a kiffé l'adresse. Squeezie qui fait les hausses, c'est pour rire. Hein. Il a fait. Non, il cartonne, hein, Squeezie. Hein. Il a battu son record en août. Ah, là, il est hein. Fort, hein. 170 millions de vues en un mois. Bon, je crois. Ah, ça marche bien. Ouais, c'est... Ou 117 millions, je sais plus, mais c'est un tueur. Mais il est très gentil en plus comme garçon, Lucas. Bon, je t'embrasse, Antonin. Je t'en passe Flo des cadeaux. Ouais. Il va galérer un peu pour l'adresse, mais il va t'envoyer le FIFA. On va se débrouiller. Ouais. Bisous, Antonin. Bon courage, okay. En tout cas. Merci. Bravo, mec. Vas-y, fort. Dédicace à Levallois-Perret. Dédicace. Il y a la DGSI à Levallois-Perret juste à côté. Il y a le ministère de l'Intérieur. Ouais. Tu vois où c'est? Tu sais à quoi ça sert, le ministère de l'Intérieur ou pas? Non. En fait, c'est le ministère. Ministère. Est-ce que c'est Jim Sonner? Ah oui, l'intérieur quand même. Attends, je sais pas, Julia, est-ce que c'est ce que c'est que le ministère de l'Intérieur? Oui, bah tout à fait. Il n'y a pas l'extérieur, attends. Ah, attends, mais je suis sûr que c'est pas. Flo des cadeaux, tu sais? C'est oui, qui le ministère? Oui. Julia, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour la sécurité nationale. De l'intérieur du pays. Julia stagiaire. Ouais, c'est la police. C'est, la... c'est le patron de la police. Le ministère de l'Intérieur, c'est pas la police, vraiment. Ah si, l'intérieur, enfin, c'est... Si, ça appartient au... C'est la sécurité du pays. Ouais, c'est à l'intérieur. Il y a la DGSI qui sont les renseignements intérieurs là-bas. Ouais. Et le ministre, je crois. Je rentre en école de gendarmerie à la fin de la semaine, ça vous intéresse qu'on en parle. Salut, man. Eh, mercredi, on a le mec. L'astronome. Là. Ouais, Cyprien, l'astrobiologie. L'astrobiologie. Ouais. Voilà, on l'aura. il va sur Mars, là, le fou. Ouais, on l'aura mercredi, il va nous raconter un petit peu son voyage, les Chris Prolls qu'il a emmené et tout. Il y a un an de trajet, mon gars. Il a simulé un voyage d'un an. Il a dû se faire chier, mon gars. Mais il était à Hawaï, franchement. Ah ouais. Ouais, mais il a pas vu Hawaï, du coup, il était dans une bulle à Hawaï pour s'entraîner pour le voyage sur Mars. Ouais, mais c'est intéressant. Ils ont dû se faire chier. Attends, il y avait une meuf avec eux. Oh là là là là là là. C'est horrible. J'ai essayé. Il y avait une meuf avec dans le groupe. Ah ouais, putain. De quoi j'ai essayé? Bah, ils ont fait un truc avec elle. C'est une question qu'on voulait poser. Ah, mais il y avait une fille dans le groupe. Ils sont sous caméra tout le temps, les astronautes. Je me suis demandé s'ils pouvaient se branler. Comment ils font pour se branler? En un an, tu peux pas te. Ah si, c'est impossible. Non, je me suis dit, des moments. Parce qu'ils se lavent avec. Ils peuvent pas se laver à l'eau parce qu'il y a pas d'eau. Ah ouais, exactement. J'avais vu ça. Ils ont quoi? Je l'ai vu en plus. Je crois que c'est des gants de toilette, une sorte de gants de serviette quoi. C'est pas bon. Et bah les mecs ils partent 3 mois. Une fois par semaine, tu te douches, tu imagines? Ouais, non, il y a pas de douche. Il y a pas d'apesanteur. C'est comme un café, il faut qu'ils les mettent dans une tasse spéciale, une sorte de berlingot et ils aspirent. Ah bah oui. Je l'ai vu parce que j'ai eu la chance d'aller à Cap Canaveral cet été, l'endroit où ils tirent les fusées aux États-Unis et à la NASA. Et en fait, ils me faisaient un reportage là-dessus, c'est impressionnant. Et pareil, les muscles, en fait, tu perds la moitié de ta masse musculaire en un mois. Ah merde. Parce que ouais, ton corps ne travaille plus du tout. T'es en l'air. Ah ouais. En fait, tu te laisses voler, donc t'attrapes les trucs, mais il n'y a plus de force. Donc en fait, ils sont obligés de s'accrocher à des sangles pour simuler un apesanteur sur un vélo et de se forcer. Ah, c'est dur quand même. Et ils font du vélo, la tête en bas. Il n'y a plus d'apesanteur. C'est dingue, l'apesanteur. Ah ouais, c'est ouf. C'est bien foutu. Hein. T'imagines un peu. C'est vrai. On fait le monde là. Antonin, quand même. Comment? Non, mais c'est vrai. Comment notre cul, il paraît gros sur Terre? Alors qu'en fait tu volerais dans l'espace et en fait on est léger en fait. Je peux pas jouer FIFA alors. C'est juste la Terre en fait. Bah ouais, la Terre est à tir quoi. C'est ouf hein, quand même. Ouais. Bon, en tout cas merci pour toutes les raisons. Dédicace demain, j'embrasse toute l'équipe. Mon mari veut gratter une Xbox pour son anniversaire pour le 21 octobre et pour dire au monde entier que j'ai mon mari fort, c'est ma vie. Voilà le message. Hein. Salut. Ouais. Ça sent l'amour, ça pue l'amour. Ça. Salut à vous. Salut à vous le couple. Bonsoir la team, c'est possible d'avoir un FIFA. Ouais, j'en file plein en rentaine là. On est en train de rappeler Flo des cadeaux. Ouais. Il en rappelle en même temps. On va filer des FIFA là toute la soirée. On en a d'autres. On a des Xbox One, on a des PS4, des tablettes aussi. On va parler de Fion. J'ai envie de parler de Fion. On a commencé à parler de cul. J'ai mis le standard. Ouais. Je vais te dire. Ouais, on a commencé. Si vous êtes en couple et que vous vous laissez votre femme aller niquer ailleurs ou votre mec aller coucher ailleurs, je sais pas. Pour le garder, ou votre mec. Hein, voilà. Moi, j'avais un pote qui était comme ça. Il avait 17 ans. Mais ils s'en foutent. Il a dit moi, je veux pas me mettre en couple. Ils sont restés 4 ans en couple et niquer qui voulait. Mais il est pas amoureux. C'était leur deal, quoi. Tu fais du mal. Ah non, non. vrai. Hein. C'est et la meilleure amie de mon ex avec qui je suis resté 5 ans, c'était pareil. Ils avaient le droit d'embrasser. Ouais, mais c'est des plans de cul. Non, ils s'étaient autorisés, embrasser avec la langue, de chauffer, tout ça. Comme ça, quand ils sortaient, ils ont le droit un peu de draguer. Mais ils couchent pas avec la personne. C'est vicieux parce que t'embrasses, après tu vas plus loin. Ah bah, c'est dangereux. Tu touches un peu la bibite. Quand tu mets la langue, ah bah ouais. Je sais, c'était déjà arrivé d'embrasser quelqu'un en boîte sans toucher les couilles. Sans caresser. Tu dragues un petit peu, tu mets les mains un peu. Ah, direct, moi je touche direct. Les seins en bas. Ah, c'est vrai. Les seins. Alors, une fois, je me suis recalé par une meuf, limite c'était un peu vénère parce que je suis allé un peu trop fort. Bah, j'étais un peu bourré et j'ai pas calculé. Je touchais un peu les seins, après je l'ai ploté. J'ai mis la main en bas, elle m'a fait comprendre que. T'as mis la main sous le slip, non? Ouais, j'ai essayé, elle m'a mis une petite claque quand même. Le doigté avec le doigt qui a touché tous les verres, dégueulasse. Ouais, bah ça c'est quand t'es en soirée. Ah, j'ai le sang, ça arrive. Mais après, tu sens le doigt, tu sais que tu vas finir la soirée avec la fille. T'es un bourrin. Franchement, mettre une main plein de whisky. Ah non. La fille, faut qu'elle soit d'accord. Ça m'est déjà arrivé, j'ai le sang. T'as déjà doigté un anus en boîte? Est-ce que c'était arrivé de danser en boîte avec une gonzesse si Non, non. Peut-être, ouais, franchement, peut-être. Passer la main derrière. J'ai dû pousser un peu le caca, c'est dégueu. Ça a dû m'arriver, il est où le bonheur? Il est où? Il est là. Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est là. J'ai fait l'amour. J'ai fait ça tout mon collège, pas de problème. Et laissez votre nom de collège, hein. Salut tous les collégiens, bon courage tous ceux qui sont bahus au lycée aussi, bon courage à tout le monde. Si vous voulez pas, parlez-en les gars quand vous êtes en cours et tout là, vous êtes en récré, quand vous êtes en pause, quand vous êtes le midi, parlez-en entre vous, passez prêchez la bonne parole les mecs, dites-leur d'écouter énergie de 22h à minuit, des deux dernières heures de la journée, c'est facile, hein. Guillaume Radio 2.0. Et plus vous en parlez, plus on est nombreux les mecs. Chacun fait son petit travail de son côté et vous nous permettez d'être de plus en plus forts tous ensemble et tout. Ça nous permet de faire des trucs de plus en plus cons, de faire un petit peu ce qu'on veut aussi à la radio. Ça n'a pas de prix de pouvoir en 2016 faire une émission comme on fait. Quand on veut ne pas envoyer de musique, on n'envoie pas de musique. Quand on veut ne pas envoyer un écran pub, on envoie quand même l'écran pub. Oui. Si on se virait. Mais je veux dire, on est quand même une liberté qui est quand même hallucinante. Quoi. En 2016, quand on voit tous les médias sont contrôlés, que nous on peut faire vraiment ce qu'on veut, c'est vraiment un kiff absolu. De la chance. Continuez d'en parler comme ça, on sera de plus en plus nombreux tout le temps. Faites des gosses, dites-leur d'écouter Énergie aussi. Merci en tout cas. Donc c'est Guillaume Radio 2.0, l'émission. Si vous découvrez ce soir, je m'appelle Guillaume. Si vous découvrez, il y a Julien le stagiaire de l'émission. Ouais, je suis là, salut tout le monde. Et là, JM du standard. Bonsoir qui est à là. Tous. Ouais. Julia qui est là aussi avec salut nous. Salut tout le monde. Qui est arrivé un petit peu avant l'été en tant que stagiaire. Ouais, voilà. C'est la nouvelle. Hein. Et Flo des cadeaux. Salut tout le monde. Qui s'occupe des cadeaux de l'émission, comme son nom l'indique, ouais. Avec des Xbox à offrir. Mais d'abord, on parle de pourquoi on a eu des ruptures amicales comme Mathias, hein, finalement. T'as embrassé l'ex de ton meilleur ami. Ah, ton meilleur ami sortait qu'une meuf. Quand il l'a quitté, tu l'as embrassé. Exactement. T'as couché avec ou pas, toi? Non, j'ai pas couché avec quand même. Non. Non, restez, c'est vrai. Quand même. C'est bien trop. Pourquoi? Hein, franchement, pourquoi? Bah, parce qu'on était en soirée et non, fallait pas aller trop loin non plus. Déjà que je me suis rendu compte que j'avais fait une gaffe. J'ai préféré pas aller plus loin. Ah, c'est vrai, ouais. T'as même pas essayé. Ouais. Un bisou, c'est pas mal déjà. Non, franchement, non. Déjà, le bisou c'était trop. Et là, je regrette. Non, franchement, fallait pas aller plus loin. C'est vrai. Ah ouais. Ouais, mais si t'avais un peu bu, tu serais allé au bout, hein, je pense. Non, parce que franchement, on avait quand même bien bu. Et non, j'avais quand même un peu. Enfin, j'y pensais quand même, et j'étais mal. Et même après le bisou, j'étais encore plus mal. Donc. Ah ouais. Ouais, non, franchement. D'accord. Putain, c'est après quand tu embrasses, c'est pour moi c'est quand même faire un coup de couteau dans l'ex d'un pote. Ah bah oui. Même si c'est qu'un bisou, je me dis putain, j'ai un pote qui est passé à moi, c'est un bâtard. Tu peux fantasmer sur une ex d'un pote ou la meuf d'un pote. Ah ouais. Y aller. De là à l'embrasser quand même. Ah, de là à l'embrasser. Ça veut dire qu'il a dû se masturber sur les ex de ses coups de. Ouais. Bah oui, mais comme beaucoup, je pense. Quand tu vas genre à Mulhouse et tout chez toi, tu branles sur les. Non. Ouais, y a des meufs sympas. Mes potes, ils ont des belles meufs, donc forcément, bah je suis un mec. Il est fou. Quoi, je lui redis pas. Si y a les meufs de mes potes, moi je. Mais non, moi non plus, les gars. Non, mais peut-être après c'est juste. Bah, je pense pas être le seul. Hein. Julia. Moi, ça m'arrivait à mon insu en fait. C'est-à-dire. En fait, bah, j'étais en vacances. À mon insu. Non, mais vraiment, j'étais en vacances. Je voulais pas me doigter, Guillaume. Je me suis auto-doigté sans me rendre compte. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai rencontré un mec en soirée et tout. On s'est embrassé et le lendemain, j'ai été sur Facebook pour voir un petit peu ses photos et tout et je me suis rendu compte que c'était le mec d'une amie d'enfance à moi. Ah, le mec. Attends, le mec d'une amie d'enfance à moi. C'est pas vrai. Elle a trompé avec toi. Voilà, c'est ça. Il est con. Hein. Ouais, il est con, mais je savais pas du tout. Moi, j'ai vu la tête de ma pote d'enfance sur cette photo de couverture. Ah ouais. Et donc du coup. Bah du coup, j'ai jamais rien dit. C'est vrai. Rien dit. Il est toujours avec. Il est toujours avec. C'est vrai. Avec. Ah putain. Il est fiable, hein. C'est genre son mec pour la vie. Bah ouais, j'ai l'impression. Ça fait plusieurs années. Il t'a ken? Non, pas du tout. On s'est juste embrassé et tout. C'est le lendemain. Non, mais il aurait pu se passer peut-être autre chose, mais le lendemain, je m'en suis rendu compte. C'était où ça? C'était au ski. D'accord, ok, ouais. Voilà. Au ski, il ça. Avait froid. Et par hasard, vous êtes croisés là-bas? Bah, on était en soirée, quoi, on était en boîte. En boîte au ski, quoi. Ouais, voilà. Oh, les boîtes de merde au ski. Ah ouais, ouais. Ah, la plupart du temps. C'est vrai, chaque... c'est vrai. Il y en a des bonnes, hein, mais à chaque fois, moi, j'ai pas eu le cul. À chaque fois que j'ai fait une boîte, c'était de la merde au ski. Bah, en plus, il y a du monde. Quoi. Et bah, c'est le principe du monde. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête, parfois. Je voudrais sauver la terre, parfois. Je voudrais la voir brûler. JM du standard, ouais. T'as déjà eu une rupture amicale pour une raison ou une autre? Plusieurs fois, ouais. Vas-y. Moi, en fait, c'était avec un pote de l'école et on était tous les deux sur une meuf. Et en fait, il y a lui qui est parti sur la meuf en premier alors que c'était un peu pour moi, quoi, tu vois, à la base. Ah, pourquoi c'était pour toi? Ben parce que. J'arrête la propriété. Si, j'étais déjà en train un peu de la draguer, tu vois, tu sais. Quand t'es dans une bande de potes et qu'il y a un qui annonce. Allez pour lui. Voilà, t'y vas pas. Mais après, la fille, elle a pas forcément d'avoir envie. J'ai pas ce mec-là. Ouais, mais Guillaume, j'ai pas eu le temps d'y aller. Il est allé en sous-marin. Il t'a niqué, quoi. Il m'a niqué. Il avait chaud? Non, heureusement. Mais j'ai tellement pas aimé que voilà, j'ai dit bon collègue, tu m'as gonflé. Merci, au revoir. Ah, c'est vrai? Ah, je te jure. Et c'est plus ton copain? C'est plus mon pote, ouais. Ah, il a boudé. Ah ouais, j'ai boudé. C'est vrai que c'est énervant, ça. Mais en plus, ça se voyait depuis le début de l'année, tu vois, ça faisait à peu près 3 mois qu'on était rentrés. Les mecs qui respectent pas les. Les gonzesses, il faut respecter, hein. C'est hyper important. Moi, je respecte, tu vois. Flo des cadeaux, déjà une rupture amicale pour une raison ou une autre? Ouais, c'était un mec qui me volait, entre guillemets. En gros, je lui prêtais pas mal de jeux quand j'étais petit et il me les rendait jamais. Et en fait, à force de lui demander et qu'il me les rende pas, et ben j'ai fini par. Des jeux vidéo ou des jouets, genre? Des jeux vidéo. Ah, d'accord. Ouais. À moi, j'ai passé Star Trek. C'est relou, tu lui passes des jeux, il te les rend jamais, il essaie de t'en fumer à chaque fois. Sonic, Sonic sur la Game Gear. C'est ça. Oui, ça. Et donc. Et au bout d'un moment, j'ai décidé d'arrêter d'être pote. J'ai dit stop, tu vas. T'es en train de fouiller un mauvais coton. T'as arrêté de lui parler, quoi. Bah ouais, j'ai arrêté de. J'ai coupé. T'as rendu ou pas, non? Non, jamais. Ah, en plus. C'est vrai. Mais t'as vraiment ken, en fait. Ah, le bâtard. Sympa le pote. Est-ce que pareil, vous avez déjà eu une rupture amicale pour une raison ou pour une autre? Guillaume et votre message au 612. Comme tous les lundis, on fera le jeu des faits divers. Flo des cadeaux? Ouais. Tu vas nous raconter 10 histoires. Tu vas nous raconter 10 histoires de meurtres. Ouais. Il faudra savoir lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses. C'est ça. Pourquoi tu rigoles? Non, parce qu'on n'a pas passé de musique. J'arrive pas à me rappeler que ça fait 45 minutes qu'on a passé un disque. Et la nuit, les gars, sur Énergie, la nuit, c'est. Et nous, de 22h à minuit, on est complètement des ovnis de radio. Ouais, c'est chaud. C'est le seul moment où il n'y a pas de musique sur Énergie. Mais on fait une pause, ça fait du bien de faire une pause. Oui, et de parler. Ouais. Je vais vous dire un truc. Il y en a toute la journée. Il y a les Energy Music Awards aussi pour ça. Ouais, sa musique. Non, mais Énergie, non, mais c'est dans l'ADN d'Énergie. La musique? Moi, je me fais rouspéter, je peux vous dire. J'ai même plus. Je me fais en guirlandais. Voilà, pareil, pas trop si je passe pas de la musique 5 fois par heure. Ouais. Bah non. Moi je leur dis à chaque fois, j'en passe 5 fois par heure. Ouais. Je suis obligé de leur dire. Sur une semaine, il y en a 5. Ouais, voilà, exactement. Sur une semaine, il y a 5. Non, mais c'est vrai, j'essaye vraiment, j'adore la musique. En plus, la musique d'énergie, elle est vraiment bien et tout. On va s'écouter un petit Martin Garrix. Ça fait longtemps qu'on n'a pas. Et 21 Pilots, il est énorme. Il passe bien. Ouais, super, on va s'écouter après. Attends, et donc, Flo des cadeaux, on était où? On était au fait divers. Ah ouais, on fait le jeu des faits divers comme tous les lundis. Je vais prendre deux d'entre vous, il faudra savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Ouais. Le thème des meurtres, c'est sur quoi là? Les cannibales. Oh putain! Ah ouais! On va pas rigoler là! Ah ouais, ça va être. Ça il y va en a être, des ça, shows! En même temps, tous les lundis, c'est ça, on verra ce que ça donne! Hein. On se fait Pitbull! JM Standard! Bon, ça me fout, mais j'étais dans le train avec Christophe Maes ce matin, Guillaume! C'est vrai? Ouais, c'est vrai! Mais c'est marrant, tout le monde! Tu racontes! Et donc, on s'en fout! Bah, là, j'ai prévenu! Il est où le bonheur? Il est où? Et t'es allé le voir pour lui demander de faire une vidéo? Non, même pas. Voilà. Je lui ai demandé s'il y avait de la place en face de lui, et c'est tout, mais il y avait. Il était tout seul? Ouais, il était tout seul. Ouais. Bah, pourquoi tu as pas demandé? T'es con, toi? Bah, fais une photo! On doit lui faire la blague. Bah, invite-le à l'émission. Ah, mais non, mais tu demandes de faire une dédicace pour l'émission. Ah, bah ouais, je sais. Il est connu quand même. Je suis timide. Alors qu'on aurait pu avoir une dédicace. Ah ouais. On aurait pu avoir une dédicace de Christophe Maé. Ah ouais. Il est où le bonheur? JM du standard, il est assis en face sans le train. Pendant 2 heures. Tu la prends en photo en cachette ou pas? Non, c'est pas mon genre. Non, mais c'est pas question d'être son genre ou pas son genre, t'aurais pu le faire. Ouais, non. On a fait marrer quoi. Donc tu l'as pas fait quoi. Non, j'ai rien fait. T'as rien en fait, t'as servi à rien. C'est juste pour le dire. Mais ça, quand tu vois un artiste, il demander faire une dédicace. Voilà. Tu lui dis, excusez-moi monsieur, je suis JM du standard. Ah ouais, vous connaissez sûrement. Tu lui fais une blague au pire. Vous me connaissez sûrement sous le nom de JM du standard. Ah, vous me connaissez sûrement. Et vous avez sûrement entendu parler de moi sur YouTube. Hein, lui en plus, c'est sûr. Hein. Et donc, Christophe May, on l'embrasse en plus. Ah bah oui. Il connaît l'émission, il écoute tout le temps. JM du standard. On avait son numéro à une époque. C'est vrai, ouais. Tu veux le déranger à 22h46. Le mec, ce qui est énorme, c'est qu'il ne dit rien dans le train, il sert à rien. Et par contre, le soir, il va le faire chier, lui. Alors, c'était moi dans le train tout à l'heure. Oh, le casse-mou, quoi. Ah, c'est marrant. Bon, on va parler des ruptures amicales. Est-ce que vous êtes déjà pareil, plus parler à un pote pour une raison ou pour une autre? On se fait Martin Garrix, In the Name of Love. Il défonce le nouveau là. J'ai découvert un morceau d'ailleurs là. Attends, j'ai coupé. J'ai trouvé un truc qui est énorme. C'est un morceau indien dans une pub télé là. Et j'ai pris mon Shazam. Je l'ai... Attends, allez, écoutez, dis-moi ce que vous en pensez. Ouais, t'es peut-être mieux la pub télé. Il y a le nouveau Jules qui est sorti, si seulement. Aujourd'hui là je suis motivé. J'écris mon texte et tu vas kiffer. Quand tu dis normalement tu fais. Ne pleure pas normalement tous fait. Tu me mélanges pas, je préfère rester dans mon coin. Rigole pas trop, tu vas te prendre mon point. La miss me regarde, sourire en coin. Je fais toucher la béquille sur le rond-point. Il y en a d'autres, qu'est-ce qu'il y a, Jules? Jules il est nommé dans les révélations francophones de l'année pour les Nerfs. Ouais. Ah, il vient ou pas du coup? Ben je sais pas. Il y a Ritza aussi, Slimane. Parce que je les vois jamais. Les KPO. J'ai pensé aux amis, aux frérots qu'on a. Face à Slimane, c'est dur aussi. Ouais. Ouais, je pense. Slimane, ouais. C'est The Voice, non? Donc, bah oui. Ouais. Ah, donc il va gagner d'avance. C'est TF1, n'oublions pas que c'est TF1. Ah, c'est vrai, c'est pas faux. Je ne dis pas que c'est truqué. Non, mais je dis que c'est TF1. Ça peut aider TF1. Non, non, dans le sens où c'est tellement puissant. C'est la même chose. Quand les mecs ils passent sur The Voice, qui avec les gens ils gagnent au même endroit. Enfin, ils passent l'ENEMA, c'est au même endroit où il y a eu The Voice, donc c'est même tes spectateurs. Ouais. Donc les mecs ils adorent. Ils sont habitués, alors que Jules. Ils ont voté pour lui la victoire. Ouais, il va arriver. Et on pourrait faire un push pour Jules. Ah ouais. Essayez de le faire gagner pour la blague. Pour qu'il fasse un live. Mais Slimane est très sympa apparemment. Ouais aussi ouais. Attends, il y a nouveau Ariana Grande. Il y a tous les mecs qui ont sorti leur musique aujourd'hui. Il y a le Fa. Il te reste une couille pose là. À qui tu crois que tu causes là? Eh gros, moi j'ai commencé à l'époque des survêt de costa. Arrête d'abuser, arrête de faire le mec busy. Arrête de poser, négro t'es nul, je te bousille. Donne un flingue, un coussin. Je vais faire disparaître le game avec une seule balle vu qu'ils rappent tous pas. Tu sais pourquoi il dit donne-moi un flingue, un coussin, j'ai mis le sandal. Ah, je suis un peu la Toussaint moi. Peut-être parce que ça sort. Attends, j'ai un coussin. Ouais, pourquoi faire il dit donne-moi un flingue, un coussin. Pour faire un silencieux. Exactement, ouais. Non. Ouais, t'enfonces. Ouais. Bonsoir à toi Guillaume, Mélo du clan François, énorme bonsoir, salut à toi. Non mais on met ce qu'on veut, on met ce qu'on veut. C'est un morceau qui vous fait plaisir, vous me le dites, hein, on s'arrange. Hein. Alexandra. On va quand même se faire Martin Garrix, je vais faire Monsieur Martin Garrix, In the Name of Love juste après. Toutes les histoires pareilles, de rupture amicale. À cause de quoi vous avez déjà arrêté de parler à un pote ou une copine? Guillaume et votre message 612. Allez-y, hein, Guillaume et votre message maintenant avec votre numéro 612. Et juste après on fait les jeux des faits divers aussi sur Énergie. Merci d'être là les frérots. Guillaume Radio 2.0, 22h minuit. Sur Facebook, Twitter, Instagram, des follow, hein, Guillaume Play, PLY. In the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Would you rise up, come and meet me in the sky? Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all. Énergie, bonne soirée les gars. Martin Garrix, on se fait le jeu des faits divers. On parle des fois à cause de... Enfin, pourquoi on a arrêté de parler à un pote ou à une copine? Les ruptures amicales, pour quelle raison? Il y a eu beaucoup d'appels énormes. On en parle dans 30 secondes sur Énergie. Préparez-vous à découvrir les nommés à la plus grande cérémonie musicale européenne. Energy Music Awards. Les Energy Music Awards 2016. And now, come on, the nominees. Découvrez chaque jour sur energy.fr la liste des catégories et des nommés. Rendez-vous au Energy Music Awards. L'événement à ne pas rater. Ladies and gentlemen. Et rendez-vous le 12 novembre à Cannes. And the winner is... En direct sur TF1. Vote pour moi. Et Energy. Pour nous. Thank you. It's music only. Étudiants, apprentis, l'année de vos rêves est déjà dans votre box all-inclusive Société Générale. Un an de transport gratuit, de loyer, d'études à l'étranger, à vous d'imaginer votre box all-inclusive. Vous avez jusqu'à 16 000 euros, une box à gagner chaque semaine sur boxallinclusive.com pour une année de folie. Jeu avec tirage au sort jusqu'au 16 octobre 2016, règlement sur le site. All-inclusive égale tout compris. Je vous en prie, entrez. Comme je vous l'avais dit, c'est fonctionnel et très agréable à vivre. Ah oui, effectivement, et c'est charmant. Tout à fait mon style. En plus, c'est idéal pour faire vos courses en centre-ville. Et le loyer, il est charmant aussi. 99 euros par mois. Oh, alors là, je m'y vois déjà. En septembre, pendant les journées technologie Nissan, la citadine Nissan Micra est à partir de 99 euros par mois, sans apport, sans condition. Pour Nissan Micra Visia, un litre de 80 chevaux, location longue durée, 48 loyers, si accordiaque jusqu'au 30 septembre. Détails sur Nissan.fr. Nissan, innover autrement. Gagnez sur Énergie 1500 euros pour passer votre permis de conduire grâce à La Poste. Écoutez Coé de 19h à 22h sur Énergie. C'est Coé sur Énergie. Chaque mercredi, Coé et La Poste offriront 1500 euros pour passer votre permis de conduire. Énergie, hit music only. Dès demain, Darty vous connecte aux objets connectés avec le JT Hi-Tech. Salut, c'est Pepe Garcia. Energy Games m'a confié une mission, rendre la high-tech ludique et interactive. Pour y parvenir, rien de plus simple. Des invités drôles, des produits innovants et surtout du public. Rendez-vous sur energygames.fr pour le JT Hi-Tech. Energy Games, play a game. Jouer encore. Amour, travail, santé, tu te poses des questions? Destin au 7-20-12. L'avenir est toujours incertain, c'est vrai. Mais les astres peuvent te guider. Envoie par SMS Destin, D-E-S-T-I-N, au 7-20-12. Et nos astrologues te diront de quoi est fait ton futur. Tout savoir pour avancer plus sereinement, envoie Destin au 7-20-12. Destin au 7-20-12. 65 centimes plus prix du SMS, e-énergie. Vos stars énergie préférées sont toujours sur la scène du Energy Music Tour. La plus grande tournée musicale gratuite redémarre. Il sera à Marseille le 29 septembre. Sur scène. Tal. C'est Frérot de la Vega. Alonso. Stéphane Sam. Amir. Sao. Willy William. C'est Boosty. Carla Stream. Evangeline. Et Black Air. Le Energy Music Tour le 29 septembre. Pour la foire internationale de Marseille. Au Parc Chalot. Un événement Energy. Hit Music Only. Et surtout, n'oubliez pas de choisir un Sam avant de sortir. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Il n'y a que deux choses à retenir. 22h, du lundi au vendredi, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, de retour sur Énergie, il est 22h55, Ariana Grande. Vous l'aviez demandé, il y a Evan qui a appelé, 15 ans, de Saint-Martin-Longo. Bonsoir à toi, Evan, 15 ans. Salut Guillaume. Ça va, frérot? Enchanté, merci d'appeler, hein, Evan, 15 ans, là. Je suis en stress de ouf, là. Mais non, c'est bon. Je tremble. Ah, c'est normal, mec. Et quand j'arrive à la télé, moi je tremble aussi. Hein. Ça se voit, j'ai un bail dans le fion, mon gars. C'est normal quand c'est un truc que t'as pas l'habitude de faire, on stresse. Hein. C'est normal parce qu'on veut bien faire, c'est bien. C'est-à-dire que tu veux bien faire. Là, je suis devant toute la France, quoi. Bah ouais. Bon, t'es derrière ton téléphone, c'est l'avantage. Mmh. On te voit. Ouais, pas. Ça va. Ouais, ouais, mais bon, les gens me connaissent, quoi. De mon lycée, tout ça, c'est chaud, quoi. Ah ouais, ouais. T'as prévenu. Ah ouais. T'as prévenu des potes que tu passais ou pas? Non, j'ai dit à mon petit frère, il me croit pas. Et je lui ai dit, ouais, vu que j'ai participé au Justifa 17, je sais pas si je vais la voir. Il me dit, ouais, t'es un mytho et tout, il veut pas me croire. Ah bah voilà, toi, vous voyez que ça marche. Quand vous envoyez un message, je vous appelle, hein, les gars. Ouais, c'est. Et par contre, j'ai une question, est-ce qu'on paye aussi 112? Les SMS, ouais, c'est un truc parce que ça défile en fait. Sinon, si tu veux, ça arrive sur un écran d'ordinateur devant moi. Ouais, mais je paye ou pas? Bah ouais, quand on voit un SMS, ouais, pas là maintenant. Là maintenant, c'est gratuit. Je vais me faire enculer par mes parents. Ah, c'est vrai, oh merde. Ouais. Non mais par contre le standard est complètement gratuit, ouais. Les poteaux. Appelez-nous sur le 0800 70 42 48. Le problème c'est que les SMS quand ils sont gratuits, il y a pas de plateforme et donc du coup ils arrivent sur des écrans de merde et ça marche pas bien. Et en fait c'est pas pour nous, c'est pour une société qui gère en fait ce système de SMS qui arrive ici. Ça arrive sur un écran un petit peu comme je sais même pas quoi d'ailleurs, ça défile, c'est comme un rouleau qui arrive. Ouais. Moi je vois tous les messages défiler. Je peux mettre pause avec ma barre espace si tu veux. Et l'intérêt c'est que quand vous envoyez des messages, je les lis. Que si c'était gratuit, il y aurait des mecs qui en enverraient 50 en disant wesh PD, wesh tara. Non mais c'est ça, je vous jure, c'est ça, on a déjà fait. Hein. Ouais, c'est vrai. Et en fait, du coup, au bout d'un moment, bah, tu lis plus le message intéressant et ton émission ressemble plus à rien. Alors que quand tu payes un petit truc, bah, du coup, les gens ils en envoient un, ils font attention et ils l'écrivent bien et moi, du coup, je peux le lire, tu vois ce que je veux dire. Et c'est l'intérêt, mon gars. Voilà. Enchanté en tout cas. T'es en quelle classe, toi, Evan? Je suis en première. En première, d'accord. Déjà, t'es jamais passé à l'antenne alors, du coup, là? Non, mais je trempe de ouf là. Attends, t'es en première? À 15 ans? T'as sauté une classe. Mais comment t'as fait? Ouais, j'ai sauté une classe. T'es bon? Putain, et t'es de fin d'année alors? Ah ouais, parce que ça veut dire que du coup t'as quasiment 2 ans d'avance quoi. Ouais, moi 15 ans, j'avais encore 15 ans, je pense. 15 ans sans seconde, j'ai passé le brevet. Ouais, moi j'ai redoublé une fois donc j'étais au brevet à 15 ans. Putain, c'est bien mec, bravo. Et du coup là, t'es en première quoi? Je suis en première S. La première S, ouais. Et là t'es avec un petit frère, il a quel âge ton petit frère? Mon petit frère, il est en cinquième. Ah oui, d'accord, il est pas loin de toi. Ouais, c'est bien ça. Vas-y, bah dédicace. Hein. Il t'écoute du coup là? Il a compris que c'était vrai? Bah non, en fait, il a pas de radio, mais ouais, il est pas loin là. Il est dans la chambre à côté. Ah, et bah putain, c'est con, il a pas de radio. Ouais. Bah il écoute pas la radio le soir, comment il fait? Bah il regarde des vidéos sur son téléphone. Non, c'est vrai? Ah putain. Prends l'appli énergie. Bah ouais, il faut qu'il prenne l'appli énergie s'il a pas de radio. C'est MZ, il peut écouter là. Mm. En plus, il est en cinquième maintenant, tout le monde écoute, les gars. Et toi, t'écoutes quoi comme musique? Qu'est-ce que t'aimes, Evan? Genre, qu'est-ce que t'aimes? J'aime bien le nouveau Martin Garrix. Ah ouais, le nouveau que j'ai passé là. Ouais, il est bien celui-là. 21, t'es quoi comme musique en général, toi? Comme style de musique? J'ai pas vraiment de style, mais j'écoute beaucoup 21 Pilots et le nouveau Martin Garrix, j'aime bien. Ouais. Ah. Et puis Enrique Iglesias aussi. Ah d'accord, okay. Latino. Très bien. Alors, bon, on va se le faire après, 21 Pilots. Ça. J'ai un stagiaire, c'est son fantasme, Enrique. Non, mais il a l'air sympa. Mais... Il m'a dit un jour, je lui casserai bien. Arrête, non, j'ai jamais dit ça. J'ai pas compris. Ah non, j'ai jamais dit ça. Bon, et toi, Evan, une petite gonzesse dans la vie ou pas encore là? Non, je cherche un peu, mais bon, ouais. Ça mène pas. Ça va venir. Ouais, c'est normal. Oui. C'est normal. Tranquille, oui. Tranquille. Bah ouais, putain. Y a des meufs qui sont un peu bonnes dans ta classe quand même ou pas? Y en a une, ouais. Ah, c'est vrai. Il y a toujours une qui est au-dessus du. Ah ouais, putain, c'est vrai. Hein. C'est inaccessible. Dingue, hein. Mais tu peux pas l'avoir. Et tous les mecs, ils sont dessus. Et personne. Ouais. Et sort avec personne. Ouais, ouais, ouais, sort avec la caille du collège. Ouais, quoi. Ouais. Ah, non, c'est ça en plus. Hein. Ouais. Ah ouais, putain. Et toi, elle est en couple, la bonne de la classe ou pas? Bah oui. Ah, c'est vrai. Ah, ouais. Putain, ouais. Elle a trouvé ce pied. Chaussure à son pied direct. Ouais. Hein. Ah ouais. Tongue à son pied. Ça veut rien dire, tu sais. Je te dire, tu t'es mis en couple au début, à quel âge à peu près? 17 ans. Et au lycée. Premier couple à 17 ans. Et avec la bonne de la classe. Ah. C'était la bonne, moi, pour moi, c'est la plus bonne et je l'ai eue. Ouais. C'était la plus bonne pour toi. Ouais. Oui, mais un pote à moi. Déjà, c'est pas un enfant meurt, toi. Il dit c'est la plus bonne et non, mais j'étais heureux, mais en partant d'où, toi? C'est un beau trophée, tu vois, j'étais heureux. Ah, j'aime le standard. En couple, à partir de quel âge? 19 ans la première fois. Ah putain, c'est tard. Ouais, c'est tard. Ah ouais. Alors, Flo Descalo, tu t'es mis en couple à quel âge la première fois? Un vrai couple, c'était à 17 ans. Ouais, le vrai couple. À 17 ans. Ouais, attends. Tu dis je t'aime, mais c'est pareil. Bah, c'était avec mon dépuce. Je parle pas un couple qui a duré 3 semaines, je parle un vrai couple. Non. Bah, c'était avec mon dépuce. Petit week-end. Limite, tu t'as présenté ta meuf à tes parents. Ouais, ouais. On y a eu un petit truc. Et c'est tout. Sérieux, quoi. Julia, à quel âge tu t'es tapé une fille pour la première fois? C'est bijou. 21 ans. Ah, c'est vrai? Ouais. Avant 21, t'avais écouté que House Gang? Ouais. Ah, t'as changé du coup. Je suis tombée amoureuse d'une fille, en fait. Mais vraiment, je m'étais jamais posé la question avant. Ça, c'est dingue. Je suis tombée amoureuse d'elle. Et là, je considère être vraiment en couple, comme tu viens de le dire, parce que pour moi, ce que j'ai vécu avant, c'était pas des couples. C'est ça la quitter. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah ouais. Putain, c'est marrant ça. Ah, t'as connu qu'une fille. T'es hétéro. J'ai un stagiaire, toi, t'es hétéro ou t'es bito? Non, hétéro. T'es hétéro. Pas, hein, et si, tu pourrais tomber amoureux, genre d'Enrique Iglesias? Non, jamais. Non. Tu peux trouver un mec. Toi, t'as qu'à dire le foot. Ça y est, imagine, tu vas boire un verre avec Zlatan, il commence à mettre la main sur la cuisse, ça te fait chier. Casse-toi, Zlatan, je m'en fous. S'il veut mettre son nez dans son cul, qui me file son maillot ou un truc, mais pas autre chose. S'il te dit, vas-y, suce-moi, t'auras suce un footballeur. En vrai. Et toi qui t'es mon fan. Non, non, mais je suis fan à un niveau, mais ça va. Et il te donne son maillot après. Non, je fais son maillot tranquille, mais pas. Si, il t'encule pour le. Non, alors on peut faire aussi n'importe quoi après, ça va. Avec le maillot de pain. Bah, ça va pas, mais fais-le toi si t'as envie. Non. Il te tire les couettes. Ouais, ouais. J'ai plus de cheveux. Ça te dirait. Ah non, je peux trouver un joueur sympa. J'aime ça. Tu pourrais tomber amoureux d'un homme si tu croises un homme vraiment très très beau. Jean Joule. Et vraiment un bel homme. Jean Joule. J'ai ça. Et Joule en smoking. En ne pas. En trois pièces. T'imagines ce tien là, mec. Joule Enema. J'imagine le mariage. Non, mais attends. Franchement, Joule Enema, Jim Sandard. Parce que Jim Sandard est marseillais. Sur le tapis rouge. Un petit costard là. Imagine, tu le croises. Et il te met la main sur la cuisse, il te fait. Attends, il te fait avec. J'ai gardé la foi. Hein. Et, voilà, je suis le chasseur de la proie. Et voilà, il te met vraiment un petit doigt dans les fesses. Je pense à ma famille parce que je les vois jamais. Il te prend les fesses, il fait. Non, tu vas pas là. Non, interdit. Non, c'est vrai, même si c'est Joule. Ouais, même si c'est Joule. Aujourd'hui, là, je suis motivé. J'écris mon texte et tu vas kiffer. Quand tu dis normalement, tu fais. Non, Flo des cadeaux, tu pourrais tomber amoureux d'un homme ou pas toi? Non, je pense pas. Un bel homme. Non, non, je pourrais trouver un mec vraiment beau. Un beau gosse, hein, genre Gaspard Ulliel dans la pub Chanel, quoi. Non, je pourrais trouver un mec beau, mais pas tomber amoureux. Ouais, j'aime le standard, vraiment un Gaspard Ulliel qui te caresse l'anus, t'en t'y vas pas. Non, ouais. Sans bon. Rien du tout. Franchement, ouais. Non, il te fait un scrub sur le cul. Non, ça va, franchement, ça va. Et toi, Julia, 21 ans, et la meuf, tu l'as rencontrée comment? Bah, je l'ai rencontrée, je la connaissais un peu de vue. Et on était en week-end à Londres, justement. Et voilà, et on s'est rencontrés. Pourquoi justement? Je sais pas, parce qu'on est un peu au début d'émission. Ah, ouais. Non, c'était avant l'émission. Ah oui, c'est pas de problème. Allez, on mélange tout, allez. Il n'y a pas de problème. Et du coup, on a passé un week-end ensemble, et après, on s'est kiffé. Fait plus la différence entre l'émission et avant. Ça m'inquiète beaucoup, quoi. Vraiment. Et après, on s'est plus jamais quitté, on est devenus très amis, et en fait, c'était pas de l'amitié, c'était de l'amour. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et c'est qui a embrassé la première? C'est moi qui l'ai embrassé. Elle assumait pas trop et tout. Ah, c'est vrai? Ça t'a fait chelou au départ? Ouais, ça m'a fait chelou, mais j'étais très très attachée. Moi, ça reste une bouche. Elle aimait déjà les filles, elle, ou pas? Ouais, vous êtes vraiment la première meuf. On est les premières l'une pour l'autre. Et ça lui manque pas un bon grosse gag à l'ancienne, non? Je lui ai demandé, elle m'a dit parfois ça pique un peu, mais bon, c'est vrai. C'est pas grave, ouais. Ah ouais. Après l'accessoire. Et pourquoi vous prenez pas un mec de temps en temps pour le week-end? Oui. Je sais pas, je crois qu'on n'est pas prête à ça encore. Ah ouais. Un jour viendra où tu vas le faire. Peut-être un jour. Ah ouais. Putain. Ça c'est vraiment avec un chanceux. Le chanceux. Ah ouais. Même pas un chanceux, c'est au-dessus. Bah c'est vraiment magnifique. Là c'est. En plus c'est les deux. C'est mieux que l'auto, limite. Ah ouais. J'aime Sandra. Et est-ce qu'il y avait beaucoup de mecs avant? C'est une petite question. De quoi avant? Moi ou elle? Ouais. Moi? Toi ouais. J'ai eu deux mecs avant. Ah ouais, non, c'est pas énorme. C'est pas énorme, je sais. C'est un ratio faible. Et tu l'as embrassé? Vous avez couché ensemble direct? Ouais, ça a été. Ça fait bizarre de lécher une touche la première fois. Très bizarre. C'est quoi le meilleur du coup? Ah ouais, j'ai ce goût. Et tu t'es dit dans ta tête, ça y est, je suis une vraie bille. Bon. Quand tu l'as fait? Bah ouais, je me suis dit là, franchement, j'ai quand même ma langue dans sa touche. Donc... Attends, et c'est énorme ça. À ce moment-là, c'est quand tu léchais la minette que tu as dit. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est bon, tu peux l'embrasser comme ça et te dire non, je suis pas bi, c'est juste une pulsion et tout. Mais non, quand j'ai vraiment fait l'acte sexuel, je me suis dit ok, je suis bi. C'est ouais. J'aime le standard. Ouais. Non, je réfléchis. Il a le sourire. Il est content d'être là. Ouais, moi, je suis heureux. Content de participer à l'émission. Ouais, toujours, moi. Ouais. C'est marrant. T'as... Et toi, Evan, t'es hétéro, t'es bi, t'es gay, t'es quoi? Pour l'instant, je pense être sûr à 100% d'être hétéro, mais on sait jamais. Ouais. T'as pas encore rencontré Julien Stagiaire. Bah pourquoi? Tu n'excuses pas l'hypothèse de. Ouais. Tu n'excuses pas l'hypothèse de prendre la voix dans le cul. Mais après, ça peut arriver. Ça peut arriver même avec une femme. Ah oui, forcément gay. Ah ouais. Il paraît, c'est génial. Ça, c'est vraiment un truc que je n'ai pas encore essayé. À chaque fois, qu'on en parle, je me dis, t'as faut que j'en parle. Ah ouais. Mais à chaque fois, j'oublie. Un doigt dans le cul. Ah non, non, mais c'est James Zorn. Vous avez dit, non, c'était lécher le cul. Non. Il paraît que lécher le trou de balle, c'est énorme. Un doigt dans le cul, j'ai pas franchi le cap. Ah, c'est vrai? Lécher le cul, excuse-moi. Non, mais c'est pas que j'ai pas. C'est parce que je n'ai pas. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Il faut que j'en parle. Flo des cadeaux. C'est une étape quand même. Ouais, c'est une étape, mais je crois que c'est marrant. Et c'est pas désagréable. Tu fais lécher, sérieux? Non. Non, mais lécher, c'est ouf. Ouais, se faire lécher le trou de balle, moi, ça me gêne plus que me prendre. Je préfère me prendre un doigt dans le cul que me faire lécher. Ah oui. Toi aussi, Flo des cadeaux. Ouais, d'accord. Moi, ça me gênerait pour la meuf. Ah ouais. Je pense que c'est pas agréable pour une meuf de lécher le cul d'un mec. Non, le cul d'un mec, ça pue. Ouais, non, c'est dégueulasse. Tu prends la douche avant. Non, il faut se laver. D'accord, ça pue. Ouais, non, mais il y a des poils. J'ai ramené des trucs. On est d'accord, il y a des poils. C'est pas pareil. Il y a des hémorroïdes. Il y a des boutons. Non, mais c'est vrai, il peut y avoir des cloches. Il y a des catégories sur les sites. Tu peux être mal lavé. C'est sûr que t'es mal lavé. Il y a des catégories sur les sites de cul. Oui, mais sur les sites de cul, t'as des catégories. Mange le caca. Il y a une vidéo d'une meuf qui lèche un cul, c'est pas beau. J'ai pas compris, c'était pas la même la vraie vie. Ça s'appelle ass leaking. Oui. Ah, ass leaking. Ah ouais, c'est en anglais. Quoi. Ouais. D'accord, ok. C'est super. Ouais, très bien, très bien. Il faut des cadeaux. En plus, moi, je sais pas comment il est mon cul, je l'ai jamais vu. Donc je sais pas s'il y a des boissons. J'ai regardé. Moi, ouais, si oui, ah, moi j'ai regardé dans une glace justement pour savoir à quoi ça ressemblait. Tu fais une roulade, mec, tu regardes. Et je me suis et c'est là que tu te dis, putain, si on te voyait. Ah ouais. Moi j'ai toujours le moment où je me dis, imagine, il y a une caméra cachée chez moi. Ah bah là, c'est la fin. Et je me retrouve dans tes BNB en train de me regarder trop de balles. Ah bah là, là c'est du. À l'audience, elle est là. Mon gars, c'est. Ah ouais, je me dis. Ah non, mais là, t'es... alors là. Tu dis que c'est médical. Faut m'inventer dans la relation avec de l'amour. Faut que je fasse attention. Mais si tu regardes le trou de balle, c'est chaud. Chien, comment tu t'es regardé le trou du cul, toi, la fois. Ben, en mode, tu sais, tu te penches. Après, on fait les jeux des faits divers. Tu te penches. C'est un fait divers. Tu te penches comment? Tu te penches, je te prends les deux jambes, je t'écarte. Mais non, mais non. Ah, tu t'es regardé par-dessus. Mais jamais de la vie, faut faire ça. Bah pourquoi pas? Ah ok, peut-être. Pourquoi jamais de la vie? Bon, je sais pas, j'ai plus pratique moi. Ah t'as comment alors? T'as une merde. Bah, je fais une roulade. Je me mets sur le dos. Je me mets sur le dos et je lève mes jambes au-dessus de ma tête. Oui mais et ton cul il est où? Mais c'est pas grave, je vois entre les jambes. Mais c'est, excuse-moi, c'est beaucoup mieux. Putain, j'ai jamais. Bah si, tu te mets par terre sur le dos. Oui, c'est comme à la gym. Et pour s'auto-sucer quoi. Exactement. Et tu te mets un peu de côté, tu dégales et tu t'écartes ton cul. Comme ça, tu vois comment c'est. Mais tiens, tu le vois de visu dans une glace? Ah, sur une glace. Ah oui, il faut avoir une glace. Ah oui, j'ai pas précisé. Oui, en fait, il faut avoir une glace, bah, glace. Qui va jusqu'au sol. La glace du sol, ouais. Ah ouais, il faut avoir une glace de plein pied. C'est quoi, pas ouais. faux. Sinon, ça, c'est mort. Hein. Ah. Flo, les cadeaux, tu t'es arrêté de trouver comment? Moi, je pense, la seule fois où je l'ai fait, c'est en me penchant en avant. Ah ouais, par derrière quoi. Et en essayant de regarder entre mes jambes quoi. Ah bah sinon il y a un truc qui est très bien, tu prends un miroir de gonzesse, ouais. Et tu le fous sur ton cul et tu penches en fait en avant. Mais là, et tu t'écartes les fesses et tu regardes entre tes pieds quoi. Trop proche. Bah ouais, c'est le mieux. Ou tu filmes avec ton portable. Et tu le filmes avec ton portable. Faut pas oublier. Mais il a raison. Il faut effacer la vidéo. Ça m'est arrivé, c'est quoi, j'avais je sentais un truc qui me gênait. Ah ouais. Et en bas du dos, et j'avais très mal au dos, bref, voilà. Et je m'étais bloqué le dos, bah, c'était il y a un an, je m'étais bloqué le dos, et j'avais une sorte de, comme une petite boule, parce que de nerf, quoi. Figure, là. Et je m'étais regardé avec le portable, c'est vrai, j'avais, parce que j'arrivais pas à faire le tour, à regarder là, j'ai mal au cou. Ça m'avait, j'avais une sorte de sciatique, quoi. Et j'avais regardé avec mon portable, quoi. Je m'étais fait piquer le cul par un médecin. C'est vrai, ouais. Comme quoi, en fait. Ouais. Julia, comment tu te regardes le trou de balle, toi? Bah, comme tu as dit, avec un miroir sur le sol, tranquille. D'accord. Je le fais pas tout le temps, Non, mais ça, j'espère. C'est bien, c'est. Mais c'est bien de temps en temps. Enfin, hein. Tous les 6 mois. C'est pas beau, un cul, franchement. Ouais. Contrôle technique. J'ai le cul à ta gonzesse, ouais. Vous avez fait. C'est normal, quoi. Non, mais ouais, franchement. Bah oui, zéro. Ah, vous avez que deux trous, quoi. J'imagine qu'au bout d'un moment. Elles ont le choix, elles ont deux trous, t'imagines. Non, mais pour les filles, quand même, c'est moins c'est bien, je trouve qu'un anus de femme, c'est moins dur à lécher. Un anus d'homme, ça a une odeur. Si la fille est pas propre, vas-y. Je pourrais jamais faire un homme. Quand tu passes ton doigt sur ton cul, tu sens, il y a quand même un truc. C'est rugueux, hein. C'est plus fermé. Surtout quand tu sors du sport. Ah, bah ça, ouais. Oh là là. On n'arrive pas, on n'arrive plus, hein. Il a passé un cap, j'ai vu ça. Il est passé de l'autre côté, le côté des tontons chiants. Juste dur noir. C'est un ton fou, quoi. Voilà, à tous ces bromaudiers, bonsoir à Merval, au 76 Benji. Là. Salut. Et mon beau-frère me proposait carrément, en planquant en cachette, alors qu'on fêtait mon anniversaire et mon homme était là. Voilà. Il a tout vu, j'ai refusé depuis le début. On va t'appeler à toi là. Ouais. On se raconte les fois où on a perdu une amitié. Alors, pourquoi t'as perdu une amitié, toi, Evan? Bah en fait, si tu veux, j'étais sur une meuf toute l'année dernière. Ouais. Genre un truc genre 6-7 mois. Ouais. Et il a pécho dans quand une soirée. Quand tu dis que t'étais sur une meuf, t'étais chaud pour la voir. Bah je voulais vraiment, ouais, enfin genre je lui parlais tout le temps et tout, genre je lui avais dit ouais. Genre, ouais, t'étais un peu amoureux d'elle, quoi. Ouais, t'as pas, ouais. Ouais, voilà, quoi. Ouais. Mais sauf qu'il a pécho devant moi à une soirée. Ouais, merde. Et ils sont sortis quoi, 2 mois ensemble. Et il m'a raconté les détails de quand il l'a doigté, tout ça, quoi. C'est vrai, ah ouais. Ah, ça craint pas. Ouais, mais il est juste pas fin, quoi. Ouais. Ouais. Et souvent, il parlait sur ma gueule, tu vois, j'entendais qu'il parlait sur ma gueule. Ouais. Puis on a pu trop parler pendant, je sais pas, 4-5 fois. Et au début de cette année, on a fait une soirée. Et je parlais avec une meuf qui devait être à cette soirée. Je parlais 2 semaines avec. Enfin, ça faisait 2 semaines que je parlais avec. Et pendant la soirée, on s'est rapproché un peu. Je lui ai passé mon pull. Je la laisse 1 heure parce que je vais danser tout ça. Et en fait, il était parti la doigter dans la chambre du dessus. C'est quoi, alors qu'elle avait. Ouais. Bah ouais, bah c'est des putes de la génération. Non, attends, elle a le droit de. Si elle a envie, elle a le droit de se faire. Enfin, c'est son mec. Non, mais si c'est son mec. Rends le pull, quoi. Non, c'est pas son mec. En plus, la meuf, elle était en couple. Non, ah ouais, d'accord. En plus. Ouais. Ah, elle est chaude. Non, mais bon, après, elle fait ce qu'elle veut. Non, mais attends. Femme libérée. Mais du coup, il y avait de la mouille et tout sur mon pull. Enfin, ouais. Putain, ça mouille, j'entends plus. Là, tu le prends mal, ouais. Et ton pote, il est pas très. C'est pas un bon gars. Non, c'est un pote. un connard, ouais. Ouais. On sait pourquoi il y a une fusillade à Port-Marly. Ouais, près de Paris, ouais. C'est à côté de Marly-le-Roi. J'y étais samedi. J'ai passé à Marly-le-Roi. Il paraît, c'est là-bas, il y a eu deux blessés graves. Hein. Ouais, mais on sait pourquoi ou pas, non ? Super rue, ouais. Un homme de 73 ans a été arrêté. Ah ouais, putain. Et pourquoi il a tiré sur des gens comme ça ? Ah, je sais pas. La première. Ah ouais, l'auteur des coups de feu sur un retraité de Port-Marly. Depuis un an, a pris la fuite avant de se retrancher. S'est rendu peu après 16 heures. Un fusil a été retrouvé. Ah oui, c'est un litige d'ordre privé. Ah ouais, putain, c'est chaud. Ah ouais, hein. Il y a plus de fusillades qu'avant, non ? Ah oui, plus d'armes qu'avant. Attends, après, ils en parlent plus, je crois. Ah ouais, merde, j'ai allumé l'ordinateur et du coup, on entend le son. Mais ils en parlent plus, je trouve, en fait. Ah, de quoi, des fusillades ? Et tout, ouais. Ah, je sais pas. Je pense qu'on n'en parlait pas autant. Ah, oh, c'est clair. Bon, merci. Il y a Evan, vous êtes hyper nombreux à appeler les potos. Il y a Morgane aussi, reste avec nous, Evan. Hein. Morgane, 17 ans de Saint-Pierre-du-Mont, ça, Morgane. Oh, ça va. Ça va, tranquille. Salut Morgane. T'es blasou. Ouais, t'es en mode peine. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois. Ouais. Bon. Ah, ouais. Cool. Blasou. T'es d'où toi? Saint-Pierre-du-Mont, dans les Landes. Ah, représente. Salut mec. T'as quel âge toi, ouais. Morgane alors? 7 ans. 17 ans, vas-y, bienvenue alors. Ouais. On n'a pas du Nekfeu là, je retrouve plus l'album de Nekfeu dans la machine là. Pourquoi il n'y a plus l'album de Nekfeu là? Les refs là. Ah ouais, putain, des refs. Ah ouais. Attends. Non, on a passé Nekfeu en fait, j'avais passé non? Nous on l'a passé, mais après je crois. Je retrouve plus là. Que j'allais chercher? Attends, je regarde Nekfeu là. Il y en a qui m'a dit est-ce que tu aurais Nekfeu, mais j'ai plus le morceau. Attends, je regarde les gars. Ouais. Tout a débuté un matin quand t'as 10h. Ah non, il y a Nekfeu. Je crois que c'est ça non? Ouais, c'est Nekfeu ça. On met ref. Non, c'est ma dope. Ça, c'est ma dope. C'est pas du tout celui-là. Merci. C'est bon, ma dope. Dédicace à tous ce Bromontier. Ah, il est lourd aujourd'hui. Ah, il est horrible quoi. Oh là là. Attends. C'est vraiment le petit frère que t'assumes pas quoi. Ouais, ah bah. Le petit frère te met que t'assumes plus, tu sais. Je suis seul aux commandes, je représenterai toujours mes amis. Les salauds comme moi, quoi, tu voudrais contrôler ma vie? Ouais, je sais comment, j'en ai rien à foutre de ton avis. Je suis seul aux commandes. On profite de la journée jusqu'à ce qu'elle parte sur un gros son Delta. Ce qu'elle t'a ramène les tasses que t'as. On squat quelque part, peut-être un skatepark. Hein, je ne veux pas que l'on me porte. Je vous kiffe, j'adore votre franc parler, vous êtes les meilleurs sur Énergie, je vous suis tous les soirs, merci d'être là. Salut Mika des 86 dans la Vienne, salut Mika. Salut Mika. Tu prends des coups de truc dans ta. Chez Anastasia, c'est comme un gros gars qui a une forme aérodynamique et plonge dans les trous. Salut Mika. On va dire ça, n'importe quoi. Les gars, laissez pas Julia par une minou, c'est mieux que vos trous de balle pétés. Et c'est là où j'y arrive. Assez. Steph, ah voilà. Si tu veux poser une question à Julia, tu peux y aller. Hein. Ah ouais. Vous payez trop ce soir, énorme. Salut, vous êtes dégueulasse, mais je vous adore. Salut Delphine et Thomas. Là. Moi, je me suis déjà fait bouffer le cul par mon ex et j'ai trouvé ça horrible et humiliant car elle voulait essayer, je le referais plus. Ah bah tu vois. Par contre, et j'ai pas la suite de ton message. Ah ouais. Voilà, c'est dommage, c'était là que c'était intéressant. Morgane, du coup, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu parles plus à ton meilleur pote? Ah ouais, bah c'était en fait une histoire en cinquième. Genre, j'étais avec un pote, enfin mon meilleur pote, j'arrivais dans un collège et tout. Ouais. Et là, une fois, il me demande 4 euros pour aller payer des bonbons et tout. Enfin, moi, tranquille, je lui passe 4 euros. Et puis, un mois, deux mois qui passent, trois mois et tout. Et là, tu vois, j'avais besoin des 4 euros. Moi, je voulais m'acheter une Game Boy, des jeux de Pokémon et tout. Moi, je me dis, putain, vas-y, il me casse les couilles, à pas me rendre mes 4 euros. Et puis, un jour, à force, je fais, tu me rends mes 4 euros ou franchement, on va se la mettre. Et on s'est battu. Enfin, c'est après, on s'est fait séparer par surveillant et tout. Ouais. Et après, je ne l'ai plus jamais parlé. 4 euros, ils sont toujours dans la nature. Ah ouais. Après, c'est pas la seule. Ouais, c'est dommage, mais bon, après, c'est relou. 4 euros, ça va, mec. Après, il faut faire attention quand même. L'argent, ça fait beaucoup de choses, quand même. C'est un prix de 4 euros, ça m'en fout, les 4 euros, en vrai. Mais c'est le geste. C'est le principe, même. Non, c'est vrai, on est d'accord. Angélique aussi, qui a 21 ans. Oui. Salut Angélique. Oui, salut tout le monde. Ouais, tranquille, tout seul. Et puis on file des Xbox One et des PS4, super. Ouais. Bon, ça va Angélique ou quoi? Oui, ben ça va, tranquille. Ouais. Tu nous appelles de quel coin en France, toi? Alors, moi, c'est de Froire. De Froire, c'est dans le 54, ça, non? Oui, 54 380. C'est vers Nancy, la Meurthe-et-Moselle. Eh ben, soyez les bienvenus, les mecs, dans le Nord. La Lorraine. Un coup de meilleur. On y croit encore que le jour viendra. Il est tout prêt. Où les Irlandais feront la paix autour de la croix. Là-bas. Michel Micfeu. Mado au Connemara. J'en ai rien à foutre de ton avis. Je suis seul au commun, je représente et toujours mes amis. Non, ça marche pas. Les salopes que moi, quoi. Attends. Je me sens un peu seul. J'ai toujours pas trouvé la pièce manquante du puzzle. En possession de drogue, les jeunes sont fêtards. Quelle ironie. Position fétale. Je viens à peine de naître, demain je serai vieux. Mais je vais tout faire pour être à jamais ce rêveur. On verra bien. C'est qui, papa? Bon, chanteur, tu vas t'aller, tu travailles dans quoi? T'es étudiante, tu travailles déjà, c'est quoi ta vie? Non, je suis maman, je suis mère au foyer. Ah ouais, mère au foyer, putain, 21 ans. Ouais, ouais, je suis maman au foyer et fière de l'être. Ah bah c'est super, bravo. Salut. Franchement, t'as de la chance. Moi j'ai hâte d'avoir des enfants, je sais pas pourquoi là en ce moment. Je te jure, j'ai vraiment envie, c'est vraiment une envie. Ah bah attends un peu alors. Ouais. C'est le mec derrière, c'est ça? Oui, c'est mon mari. Ah, ton mari? Ah ouais. Quel âge il a le mari? Alors il a 23 ans. Ah, il est moins pressé que... Il était moins pressé que toi alors? Non, ben c'est pas ça, c'est que en fait je suis tombée malade, j'aurais dû mourir, il m'a sauvée et en fait je suis tombée enceinte pendant que j'étais sous traitement. Ah là là. Ah c'est beau. D'accord. Et le bébé va bien maintenant toi aussi? Ben oui, je vais bien, je ressors d'une phlébite cérébrale. Wow. Une phlébite, c'est un caillot de sang, non? Un caillot de sang dans la tête là du coup. Ouais, un caillot de sang dans le cerveau. Oh là là, ça on peut mourir. Hein. Bah ouais. Ben ouais, j'étais sous Préviscan et après parce que c'est Préviscan. D'accord. C'est un médicament. Et la petite, elle a rien. Oh là là, elle va bien. Bah écoute, félicitations. Bravo. Tiens, bravo hein. Comment s'appelle ta petite chérie et ton mec? Alors, ma petite princesse, elle s'appelle Emma. Et mon mari s'appelle Sébastien. D'accord. Marié. Emma, ah, c'est bien, bravo. Hein. Ah ouais. Et ça va, elle fait ses nuits, Emma? Oui, oui. Ouais. Ah, il y a ton mec qui écoute derrière. Ah, il commente, il est présent. Je peux te dire qu'il est là. Oh, il écoute tous les soirs votre radio. Ah, c'est gentil, putain, merci. Merci. Salut à Emma et à Sébastien, ton chéri Seb. Ouais, t'as le bonjour, mon cœur. Tu peux lui dire. Tu peux lui dire. Vous allez bien? Thank you, papa. Angélique, du coup, ton beau-frère, il t'a proposé un plan cul? Ouais, il m'a proposé un plan cul le jour de mon anniversaire. Ça veut dire quoi ton beau-frère? Le frère de ton mec? Frère de Seb? Oui, c'est le frère de Seb. C'est vrai? Putain, c'est ouf. Ouais. À l'actuel encore? Avait... Oh là. Ouais, non, mais encore, il avoue pas, il assume même pas. Mais il le sait? Pourquoi? Il fait partir à pied 12 km. Il a marché 12 km pour rentrer chez lui à 3h du matin. Mais il avait quel âge ton frère? Il a 28 ans. Ah ouais, il est plus vieux? Ouais, il est plus vieux et en fait, monsieur était jaloux et il m'a proposé des plans cul, de le rejoindre sous pont, ensuite d'aller à sa cave. Pendant que mon mari dormait, je l'ai envoyé chier, il a continué et il a foutu sa merde quoi. Et après, il part et il dit « Ouais, j'ai bien foutu ma merde, maintenant je pars ». C'est vrai, ah, il est hyper jaloux. Ah, ouais. Il est pas très bien. Pas très bienveillant. Il est hyper jaloux parce que la meuf qu'il a aussi, c'est un gros ton, hein, faut pas mentir. Hein. Ouais. Toi, t'es plus jolie que la grosse dinde. Ah, ben oui, mais moi, comparé à elle, je suis un mannequin, Fada. Ah, ouais. Et il voulait juste te souiller, genre, ou il voulait sortir avec toi? Non, il voulait carrément m'avoir. Ah, ouais, sortir avec toi, quoi. Ah, ouais, voler à son frère, quoi. Ah, ouais, putain, c'est sale. Tu voles ton frérot, tu m'as dit. Et du coup, il parle plus à son frère, ton mec? Non, il parle plus du tout. Voilà. Ouais. Ah oui, c'est parti loin. Salut Guillaume, je t'adore. Franchement, je t'adore. Ton émission est radio et top. Chanona, pareil, de excellent boulot. Tu mérites tout ça et bien plus. À l'avenir, bisous à l'équipe. Salut Maëva. Merci Maëva. Salut Maëva. Bisous. Il faut faire une photo de son anus pour voir. C'est un selfie-on. Salut Greg du 13. J'ai arrêté de parler à ma copine après une sodomie. Je parle plus enculé. Salut Greg du 13. Non, ça va, c'est bon. C'est Diogo de Monaco. J'en suis sûr que j'ai stagiaire. Il a déjà léché le trou de balle de Shrek. Salut à toi. Non, n'importe quoi. Merci à Guillaume d'avoir. Gros soufflé. Ah oui, alors t'as soufflé tes bougies, j'ai eu le sondage ce week-end. Ouais, t'as fêté tes 30 ans en famille. Ouais, c'est ça, Guillaume, ouais. C'est ouais. De quoi, Angélique? Oui, moi j'ai fêté mes 21 ans le 29 juin. Ah, très bien. C'est comme j'aime. C'était il y a 4 mois, pardon. C'est bien d'en parler. Il y a 4 mois. C'était bien les 29 ans, ouais. 21 ans, 21, 21 le 29. Et toi, Gilles Sandard? Moi, c'était super aussi avec les potos, la famille et tout. La famille et tout, c'était bien. Ouais, franchement, il y avait du monde. Ouais, ouais, 40. T'as revu tes potes qui sont venus, ils ont fait une surprise pendant qu'on a fait l'émission avec Jeff Panaclock. Ils étaient contents d'avoir vu Jeff Panaclock. Ouais, aussi, ouais. Ah, c'est rigolo, ouais. Tout le monde, c'était vraiment marrant de les faire venir. On se fait 21, on se fait les histoires de faits divers. On parle de cette histoire aussi. Est-ce que vous avez déjà eu comme Angélique, un beau frère qui a proposé le plan cul? C'est dingue. Essayer de pécho la meuf de son frère. Dans la famille, quoi. Merde. Tu pourrais, j'espère, si t'avais un frère, essayer de pécho sa meuf? Non, franchement, non. Non. Autant un pote, peut-être encore, mais un frère, non, jamais. Non, jamais, jamais. Interdit. Interdit. Jamais que les faire pas sa vie. Ah ouais, c'est clair. T'imagines ton sang. Parce que ton frère. J'ai même mon ex-meilleure amie. Carrément, elle a essayé pendant ma grossesse, elle a allumé mon mari devant moi et tout, et je pouvais rien faire. Mon ex-meilleur ami. Ah ouais? C'est quoi vos potes là? La meilleure copine? Ah ouais, putain. Ouais. C'est compliqué. Vous êtes... J'ai même tapé mes ex alors. Ah mais vous êtes. Vous êtes le couple de beaux gosses de la ville ou quoi? Non, quand même pas, mais voilà, on est des gens normaux quoi. Les autres sont pas normaux. Bon, vous bougez pas, on en parle, on se fait juste après les gars. J'ai les PS4, vous savez quoi? PS4 à offrir juste après ça, bougez pas les frères. Ça s'est passé chez Koï sur Énergie. Que signifient les initiales DTC en langage jeune? Drague ta cousine ou dans ton cul? Dans ton cul. C'est parti nickel comme ça. Écoutez, moi je dirais drague ta cousine. Et non, c'était Yvette. Yvette, est-ce que vous pouvez me le répéter parce que vous l'avez très bien dit? Dans ton cul. Yvette, bonne réponse, c'est Yvette qui gagne. 19h22 sur Énergie. En ce moment, Julie et Coé ont un peu le trac. Eh, normal, ils passent leur code. Eh oui, le code de la route. Avec La Poste, pour 30 euros seulement, on peut passer son code. Alors faites comme eux, partout en France et près de chez vous, avec La Poste. Pour s'inscrire, c'est simple. Rendez-vous sur laposte.fr/lecode. Destin au 7-22. L'avenir est toujours incertain, c'est vrai. Mais les astres peuvent te guider. Envoie par SMS Destin, D-E-S-T-I-N, au 7-22. Et nos astrologues te diront de quoi est fait ton futur. Tout savoir pour avancer plus sereinement, envoie Destin au 7-22. 65 centimes plus prix du SMS, e-énergie. Gagnez avec énergie des box all inclusive Société Générale avec des iPads, des MacBook Pro, des séjours, du cash. Vous êtes étudiant ou apprenti? Alors rendez-vous sur boxallinclusive.energie.com. Écoutez Koï de 19h à 22h sur Énergie. Une box Société Générale d'une valeur maximale de 16 000 euros à gagner par tirage au sort chaque semaine jusqu'au 18 octobre. Énergie, hit music only. Dès demain, Darty vous connecte aux objets connectés avec le JT Hightech. Salut, c'est Pépé Garcia. Energy Games m'a confié une mission, rendre la Hightech ludique et interactive. Pour y parvenir, rien de plus simple. Des invités drôles, des produits innovants et surtout du public. Rendez-vous sur energygames.fr pour le JT Hightech. Energy Games, play again. Jouer encore. Energy. Music only. Why wait to say? At least I did it my way. Lie way too fast, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. is all about you. No, I feel so far removed. De 22h sur Énergie, plus rien n'existe. Allez, 22h minuit, Guillaume Radio 2.0, je coupe le jingle, on y va 22h. Ah, j'ai envie de parler ce soir, vraiment. Ça, ah là là, attends. Bon, Charlie Puce. Avec Selena Gomez, on se l'écoutera après. Bonsoir, Guillaume et votre message. Hein, si vous voulez passer avec nous au 611-12, je m'appelle Guillaume, c'est Guillaume Radio 2.0. On fait les deux dernières heures de la journée, là, 22h minuit. Je m'appelle Guillaume Play, si vous voulez venir nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, on est 573 000, je crois, ce soir, là. On est combien ? On est 573 500. Ouais. Exactement, là, sur Insta. 573 498. 570 499. Pierre Belmar. 575. Hein, venez les retrouver sur Insta, les mecs. Sur Snap aussi, hein, pareil, Guillaume Play, P-L-E-Y. Si vous avez un compte, là, vous êtes volant. Quand vous êtes arrêté deux secondes, vous nous follow. Guillaume Play, P-L-E-Y. Il y a Julien le stagiaire qui est avec moi chaque soir. Sur Énergie, si vous découvrez l'émission, qui vient de Mulhouse. Ouais. JM du Standard, ouais, qui vient de Marseille. Salut tout le monde. Julia qui nous vient. Ouais. Qui vient d'où, Julia, d'ailleurs? Je sais pas. De quelque part. De Paris, quoi. Ouais, non, de Seine-Saint-Denis, en fait. J'ai grandi dans le 9-3 toute ma vie. Où ça? À Gagny. Exactement. Voilà, s'il y en a qui connaissent. Salut à tous, Gagny. Flo des cadeaux, qui sont des cadeaux de l'émission aussi, qui est de Nantes. C'est ça. Comme ça, au moins, vous connaîtrez un petit peu tout le monde. Hein, si vous découvrez l'émission ce soir. Alexis qui a baisé la soeur de soleil. Alors, tu m'entends, Alexis. Ouais, ça va. Papa, juste après, juste prix, je vous offre des PS4 et des Xbox One, les mecs. On en a en plus plein, on a refait le stock. Bon, ça va, Alexis? Ça va, et enchanté, vous, mon gars, enchanté. Salut, Alexis. Enchanté, frérot. Salut. Après, coupe la radio. Je l'ai pas. Ah, je t'ai entendu. Ouais, t'as coupé un truc. Je t'ai entendu la couper. Je viens juste de rentrer du boulot, donc je viens juste d'être dans l'entrée de garage. Donc, Bon, voilà. Enchanté, moi, Alex, en tout cas, pas de problème. Enchanté. Bon, tu serais dans quoi? T'es routier? Non, je suis agent d'entretien. Agent d'entretien, bah vas-y, merci d'appeler. T'es agent d'entretien où, à Lens, là? Moi, je travaille sur Brebière. D'accord. Et bah, s'il y en a qui connaissent, c'est dans une usine de quoi? Je travaille pour Carrefour, en fait, tout ce qui est stockage alimentaire, tout ça. D'accord, ok. Bah écoute, enchanté, mec, hein, merci d'appeler, en tout cas. Toi, tu voulais raconter un petit truc qui t'était arrivé, pourquoi tu parlais plus à ton ex, c'est ça? On a fait une soirée de bowling ensemble entre familles. Et en fait, arrivé au soir, pour aller se coucher, c'était soit je me couchais avec son frère, ou soit je me couchais avec la sœur de ma copine. Soit on dormait à trois. Donc j'ai décidé, moi, de dormir à trois, donc ma copine et sa sœur. Et en fait, dans la nuit, il s'est passé ce qui s'est passé, quoi. Elle a commencé à me toucher, nanana. La sœur en fait, à côté de sa sœur, quoi. Mais non, c'est pas possible. Ouais. En fait, tu sortais avec une meuf, il y a sa sœur à côté, et tu dormais au milieu. Il y avait ma copine à droite, et il y avait. Moi, j'ai voulu mettre au milieu à tout prix, hein, parce que je savais qu'il allait se passer quelque chose. Tu cherchais. C'est pas ce que je cherchais, c'est que c'était pas la première fois, en fait, donc. C'est pas la première fois, mais genre, tu t'en doutais qu'elle était chaude comme ça? Ouais, je m'en doutais parce que, en fait, tous les week-ends, on faisait des soirées et dès qu'on faisait une soirée belote, elle se mettait à côté de moi, puis en fait, elle me cherchait à me donner la main, me caressait la jambe. En fait, elle a toujours été amoureuse de moi aussi, donc. Ouais, ça c'est. Après, j'étais en train de réfléchir, est-ce que si tu sors avec un mec, enfin avec une meuf du coup pour moi, la sœur se mettrait du côté de la fille normalement. Bah ouais. Le mec au milieu, c'est chiant. Non, pas avec la sœur de ta meuf. Ma copine, elle avait très confiance en moi, donc elle savait pas que je pouvais faire ça. Ça c'est horrible. En plus, il nous raconte ça. Et elle a pas su. Et t'as branlé ou tu l'as couché? Non, on a couché ensemble. Non, je comprends pas. Non, comment tu peux coucher à côté d'une meuf dans un lit en dormant? Je sais pas, rien que le fait de l'inconscience, tu te réveilles, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est ce que je me suis demandé. Comment elle a fait pour pas se réveiller? Mais le pire dans tout ça. Mais t'aurais fait quoi si elle se réveillait? Oh, là, t'es mort, mec. Bah, je sais pas. J'imagine même pas parce que c'est pas arrivé. Donc, mais genre, tu la prends levrette et tout? T'étais allongé, enfin, t'étais non, en missionnaire. En fait, on est resté couchés l'un à côté de l'autre. Puis elle a juste mis son cul en bus, quoi. Donc, puis voilà. Cul en bus. Elle a levé son cul, t'es monté sur elle, quoi. Ah ouais. Mais le pire de tout ça, c'est pas ça, c'est qu'au bout de 3 mois, en fait, elle a su que j'avais mis enceinte. Ouais. Non, c'est vrai? Ah merde, il y a une. Oui, bah, je te jure que c'est vrai. Ah ouais, je te jure que c'est vrai. T'as pas mis de capote et tout, quoi. Ah, parce que t'y allais sans capote? Non, bah, j'ai voir de ça. Je connais pas, moi, les capotes. Attends, mais ah bah, c'est con. Ah bah, là, tu peux. Mais tu l'as joué dedans et tout? Bah ouais. Dans la sœur. Pour faire ça, il fallait finir. Oh là là. Mais t'es avec laquelle maintenant? T'es avec laquelle maintenant? Attends, James Sandner, gâche pas la fin du film. Il va aller trop vite. Ali, c'est le tonton bourré là. Ça bourre. Oh là là, c'est vraiment le tonton bourré qui veut tout gâcher. J'ai rien dit. C'est l'enfant à Noël qui gâche tout, ce qu'il ouvre tout d'un coup. Il va se mettre à pleurer, c'est plus rien à faire. Il veut ouvrir les cadeaux des autres. C'est le gosse énorme. Alors attends, vraiment un truc important ici. T'as Ken, la sœur de ta meuf. Tu l'as jeté dedans. Mais et prenez la pilule ou pas? Bah non, elle l'a jamais pris en fait. Et ça te serait pas venu à l'idée de lui poser la question avant? Bah je sais pas, moi je le savais, mais je sais pas en fait, c'était comme ça, c'est que comme j'avais envie d'âge, en fait, je me posais même pas la question en fait. Ouais. Ah ouais, tu t'en battais les couilles, quoi. Ouais, voilà, en fait, c'est ouais. Ça. Et à la limite, quand tu te dis bon, jusque là, ok, il y a aucun moment où vous êtes dit tiens, peut-être aller prendre la pilule du lendemain, par exemple. Bah, comme c'était pas la première fois qu'on faisait, bah on s'est dit voilà. Parce qu'en fait, moi et ma copine, on avait essayé de faire un enfant, on n'a jamais réussi. Donc je me suis dit, peut-être c'est moi qui est pas bon. Donc j'avais fait avec la sœur et puis voilà, boum. Ah, tu pensais que t'étais pas stérile? Tu pensais que t'étais stérile? Ouais, voilà, c'est ça, ouais. C'est moi qui est pas bon. C'est quoi cette solution? Non, parce que. Attends, mais tu voulais un enfant avec ta meuf? Et tu kennes sa sœur? Ouais, voilà. Tu l'avais avec sa sœur, pour de vrai? Ah ouais. Sa sœur, elle était plus bonne encore que ta meuf? Bah ouais, j'avais plus envie de ta sœur que de ma copine, quoi. Ah ouais, il est énorme lui. À l'histoire, c'est ça. En plus, le pire, c'est qu'on faisait partout. En plus, il y a un moment, on avait fait dans le fauteuil en bas quand ses parents ils dormaient. Après, il y a un moment, je l'avais même pris au travail avec moi, je l'avais embauché avec moi. Et on faisait dans le camion de société, tout ça. Donc, mais attends, mais avec qui? Avec ta mère ou sa sœur? Non, avec sa sœur en fait. Ah ouais. Ah, tu la ken après partout, quoi. Ah, double vie, genre. Ouais, voilà. Tu m'étonnes que tu l'aies engrossé. Attends, dans le camion partout. Ah, oui. Elle a quel âge, ta sœur, par rapport à toi? Bah, en fait, sa sœur, elle avait mon âge. Et ma copine, en fait, elle était beaucoup plus jeune. Elle avait 3 ans de moins. Ah ouais, d'accord. Putain, c'est... Eh ben, dis donc. Merci pour le message, en tout cas, de nous appeler. Hein. 3 ans de moins, donc voilà. Et donc, elle avait quel âge quand tu la ken? Elle avait 21, bah, ma copine avait 21 et sa soeur avait 23. Ah ouais. Ah ouais, elle est plus vieille, sa grande soeur, quoi. Ouais. Elle est plus jolie que ta meuf. Elle est plus jolie que ta meuf. Voilà. Ah ouais. Fallait la pêcher. Attends, elle a gardé l'enfant ou pas? Non, en fait, quand on l'a su, on en a parlé par SMS, elle m'a dit qu'est-ce que je fais. Bah, je lui dis, moi, tu dis rien, tu dis pas que c'est moi, etc. Puis en fait, après, moi, j'étais parti au boulot. Et bah, en fait, ma copine, elle vivait chez mes parents. Et en fait, sa sœur, elle était racontée à ses parents, donc ça fait des histoires pas possibles. Elle a dit c'était toi? Ah bah oui. Ouais, bah elle a carrément dit à ses parents que c'était moi en fait. Ah bah là, qu'est-ce que tu fais au repas de famille avec ta meuf? Tu imagines, ça discute de ça? Ah bah c'est fou. Et je suis tombé enceinte de. Bah non. J'y suis plus jamais retourné là-bas. Ah bah c'est normal. Ah bah là, oui. Non mais t'imagines, c'est même étonnant d'ailleurs en vrai. Et le père il a rien fait? Ouais, il t'a pas appelé ou quoi, non? Le daron? Bah si, ils m'ont harcelé au téléphone et tout ça, mais j'ai jamais répondu. Ouais. C'est l'histoire. C'est marrant. Alexis qui a baisé la sœur de sa sonnée. C'est comme ça qu'il a dit au standard. Ouais. Hein. Et donc elle a gardé. Et ta copine, tu voulais avoir un enfant, ça fait combien de temps que tu étais avec? Ça faisait 3 ans que j'étais avec. Ah ouais, t'avais envie de. Ah ouais, 3 ans quoi. C'est bien. Ouais. Mais bon, au bout de 3 ans, elle t'excitait plus ta meuf, genre, ouais? Bah non, plus du tout. Ah, plus du tout. Partir, alors. Plus du tout. Je préférais encore regarder des vidéos sur internet. Ah, lâche-la. C'est vrai? Ah ouais. 3 ans, bah, elle gosse à sa sœur. Bah, du coup, comme elle est enceinte, après, j'ai quitté ma copine, en fait. Hein, et puis voilà. Ouais. Et t'as pas essayé de rester avec la sœur et de garder l'enfant? Ah non, je pouvais pas. Hein. Bah non, bah après, ça aurait fait comment? Après, avec la sœur et tout. Parce qu'en fait, à ma copine, bah, à mon ex, je lui ai toujours dit que c'était faux, en fait. J'ai jamais dit que c'était moi. Ah ouais? Ah, elle a jamais su? Non, elle, elle l'a jamais su. Elle, elle a totalement confiance en moi, donc elle l'a jamais su. En fait. Et les parents l'ont pas dit ? Si, les parents, elles l'ont dit, mais elle le croit pas en fait. Ah, ouais, elle croit. Ah ouais, d'accord. Putain, et toi, tu continues de lui dire que c'est pas vrai et tout. Oh là là. Voilà, exactement. Moi, je dis tout le temps que c'est pas vrai. Tu vis dans le mensonge. Faut des cadeaux. Mais t'es plus avec cette fille. Non, il est plus avec personne. Non, t'es plus avec personne. Non, parce que tu viens, elle croit encore. Bah, vaut mieux. Hein. Eh, vous savez quoi eh, juste... bah, c'est parce que des fois, je garde contact avec quand même. Ah, bah, c'est bien. Mais ça veut dire quoi être en contact si tu vous quittes? Bah, on s'envoie des SMS, c'est tout, sans plus. Ouais. Vous couchez plus ensemble et tout, non? Non. Bah moi, j'ai essayé, mais elle veut pas. Ah, t'as réessayé de recoucher avec. Ouais. Attends, franchement. T'as mis enceinte sa sœur. Ah, c'est énorme. Et toi, t'es fou. Et toi, t'es un taré. Maintenant, il faut se calmer parce qu'en plus, maintenant, j'ai une nouvelle copine et puis j'ai un enfant de 8 mois. Alors, faut que je me calme. Ah ouais. Et t'essaies quand même de ken ton ex qui t'a embrassé. Oh là là. Ouais. Attends, putain, c'est dingue. Salut Guillaume, ça faisait très longtemps que je t'avais pas écouté avec ton équipe, mais grâce à TPMP, je te découvre et j'ai décidé de me remettre à vous écouter ça. Ça fait plaisir. Vous êtes ah bah c'est gentil. Ah ça. Merci. Ouais. Ah c'est sympa. Merci beaucoup. Je sais pas la suite de ton message. Vous êtes au top et puis après il y a pas la suite du message là. Est-ce qu'on peut passer sur Pierre sur la tête de Gestagir? Salut. Bah pourquoi? Petit travail à ID Logistique. Tu travailles à ID Logistique, Alexis? Ouais, c'est ça. Putain, que c'est tout grillé. Si mes parents mais salut, mes parents sont en train de se disputer, c'est galère entre moi qui me déchaîne et ma mère qui veut partir. Ah putain, mon courage. Putain, demain bah laisse tomber la gueule que je vais avoir au boulot. Non, t'inquiète. Putain, c'est il y en a qui t'ont reconnu quand même, hein, t'as vu. Bah, ils sont un million, hein. Merci d'être là les frérots. On vous fait un cadeau d'ailleurs. Bah oui, attends, tranquille. On vous fait les cadeaux. C'est des PS4, des Xbox One ou des tablettes Samsung Galaxy Tab A. J'ai marqué un chiffre sur ma feuille. JM du standard. Ouais, je l'ai vu, Guillaume. Je le montre à JM Stagiaire. Ouais, un flot des cadeaux. Ouais. À Julia. Yes. Tout le monde l'a vu. L'américaine Julia. Le premier qui me la trouve grâce au logiciel, on l'appelle et on lui offre une des deux consoles ou la tablette. Donc PS4, Xbox One. Allez-y, Guillaume, et vous m'envoyez un chiffre. On fait ça chaque soir. Ça dure vraiment 2 minutes. Regardez, 23h38 et 58 secondes. Vous envoyez Guillaume et un chiffre avec votre numéro au 612. Et direct, hein, je prends le gagnant dès qu'il arrive. Guillaume, un espace et le bon chiffre au 612. On vous écoute en voiture. Énorme débarque. Salut, bisous de Bourg-en-Bresse. Salut à toi. Là. Salut. Bonne route. Merci beaucoup. J'ai une info pour ton sujet. Corinne, à la fin de Mickey Schumacher, le pilote F1, au départ, c'était la petite amie de son petit frère, de son frère. Salut, Raph de Marseille. Ça, il lui a volé. Schumacher, il a pris la meuf de son frère. Moi, je vous écoute, t'inquiète, je vous m'endormais, mais vous me faites trop rigoler. Je vous kiffe. Salut, Kéké du 86. Salut. Et bah, bonsoir, Kéké. Mets un coup de pelle à JM de ma part. C'est du 29. Est-ce que c'est 250? C'est moins que 250. Salut à toi. 06 31 06 88. C'est moins que 250. Ça veut dire que dès le début, vous avez une chance sur 250. Est-ce que c'est 35? Salut 35. Salut. Kéké. Salut Kéké. 06 43 85 38. C'est plus que 35, moins que 250. Est-ce que ça serait 56? Salut à toi. C'est moins que 56 aussi. C'est plus que 56, pardon. Ouais. 06 40 60 68. Un chiffre entre 56 et 250. Moins qu'une chance sur 200 de gagner ce soir la PS4, la Xbox One ou la tablette Samsung Galaxy Tab A. Allez-y, hein. Guillaume, donc, un espace et le mot avec votre numéro. Juste le chiffre, pardon. Guillaume, un espace et le chiffre avec votre numéro au 612. Est-ce que ça serait 133? C'est plus que 133. T'avais pas laissé ton numéro de téléphone, poteau, dans ton SMS. C'est-à-dire que si c'était toi qui étais bon, t'aurais perdu. C'est con quand même. Je cherche tous les jours à ID Logistique à Brébière. Pascal, bonjour. Des transfimes. Tu vois ce que c'est, les transfimes? Hein, Alexis? Ah, comment? T'entends? T'as le bonjour des transfimes qui cherchent tous les jours à Brébière. Je sais pas. Ça me dit rien. Bon, voilà. Il a peur, maintenant. Transfilm, il voit pas ce que c'est. Est-ce que ça serait 249? C'est moins que 249. On cherche un chiffre. Il y en a qui dit 150. C'est plus que 150. On cherche un chiffre entre 150 et 249. Guillaume est la bonne réponse au 612. On se fait 21 Pilots. On se cale Ethan. En ce cas, il y aura Nicky Jam et Frérot de la Vega juste après. On cherche un chiffre entre 150 et 249, les gars. Il y en a qui dit 185. C'est plus que 185. Entre 185 et il y en a qui dit 200. C'est entre 185 et 200. Une chance entre 185 et 200. Guillaume est le chiffre avec votre numéro 612. Premier jour de la semaine, il y a plein de cadeaux. Xbox One, PS4 et tablette Samsung Galaxy Tab A sur Energy. Guillaume Radio 2.0, 23h41 en direct. Ok. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. of rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. With outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You love another freak show sitting next to you. You love some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't fall. Take it slow. Wait for them to ask you who you know. Qu'on peut faire en deux heures. Du lundi au vendredi, à partir de 22h, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, sur Énergie, on est en plein juste prix. Le premier qui me le trouve, le premier, je lui offre une PS4, une Xbox One ou et une tablette Samsung Galaxy Tab A. Guillaume, donc, qui a la bonne réponse au 612. On cherchait un chiffre ce soir qui était juste avant la musique, entre 185 et 200. Il y a eu du foot ce soir, j'ai stagiaire. Ouais, il y a Brest qui a battu Reims 2-1 en Ligue 2. Voilà, donc ça joue vraiment. Ouais, et Sarjori a pris deux mois de prison. Ah oui, ferme. Deux mois de prison. Et apparemment, il fait appel. Ouais, il fait appel, mais il ira pas en prison. Qu'il les frappe pas. Non, bah non, je pense pas. Donc on sait pas encore. Mais deux mois quand même ferme. Ouais, parce qu'il a frappé les. Faut y aller, il a frappé. Apparemment, ouais. C'est ah non, c'est pas possible. En sortant d'une boîte en plus. Ah ouais. Mais lui, il a l'air de faire le show. Ah, c'est un mec un peu. De toute façon, ça doit être un mec un peu débile pour. Bah après. Pour prendre Periscope et insulter son entraîneur. Mais il est quand même. Faut quand même être sacrément bête, quoi. Et ils l'ont pas viré du PSG. Et ça, c'est clair. Après, ça s'appelle l'argent, ça. Ouais, mais bon. Ouais, mais l'argent. Surtout qu'il l'a fait pas longtemps après. De quoi j'ai. Il a frappé les policiers pas longtemps après le truc de Periscope. Ouais, mec, il cherche le bâton pour se faire fister, quoi. Genre, à un moment donné. Non, mais c'est vrai. Ouais. Il y a quand même des mecs qui ont vraiment pas de cerveau. Ah bah. Non, mais sans déconner. Après, ça reste un genre de foot, il y en a plein. Non, mais non, il y a des mecs très intelligents qui font du foot. Je sais, toi qui aimes le foot, oui, mais ton sport. Ouais, bah j'aime mon sport, mais bon, quand tu vois les mecs comme ça, c'est pas un exemple. Non, non, mais il y a des débiles. Mais il y a des débiles partout. Ouais, mais au foot, voilà, on peut le dire, moi je m'en fous. De quoi, il y a beaucoup de débiles. Oui, je pense, ouais. Ah, je trouve. Les joueurs sont pas très réputés. Non, non, oui, non, mais t'as des. C'est pas une insulte ou quoi. T'as des mecs peu cultivés, c'est pas pour ça qu'ils sont débiles. Non, mais ils réfléchissent pas, en fait. Pour faire ça, tu réfléchis pas. Non, mais c'est parce que. Il y a des mecs comme. Comment ils s'appellent. Ah, tu peines à en chercher. Il y en a plein. Benzema, non. Nasrini, non. Benzema, il est pas bête. Hein. Non. Il fait des conneries. Il est mal entouré ou je sais pas. Il est peut-être un peu influençable et tout, mais il est pas bête au sens Nabil. Bah, Anelka. Sens, Ribéry, il a du mal à parler. Mais c'est vrai, parce qu'il a du mal à parler. Non, mais ils ont pas une bonne image. Deux choses différentes. Ouais, hein. J'ai Sanda, ouais. Il y a un joueur qui a créé sa société de biochimie en secret, et le mec, c'est un futur milliardaire. Et c'est un joueur de foot. Flamini s'appelle. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Il a ouvert sa. Ah ouais. Ouais, un truc de biochimie. Ah, mais c'est rare. Non, et c'est pas lui qui l'agit. Il a juste investi. Mais le mec, il y a pensé, il s'est mis dans le truc. Ouais, mais ça veut absolument rien dire. Ouais, voilà. Toi, tu peux acheter, si tu veux, un truc de biochimie demain. Si t'as un million d'euros, tu peux acheter part d'une société ou en bourse. Et t'as de l'argent. Et tu deviens majoritaire sur une truc de fusée, si tu veux. Oui, je les ai pas. Et voilà. La question se pose. Et t'es pas le footballeur non plus. Non mais après c'est vrai. Et donc non mais comment il s'appelle putain un joueur français. Ouais, celui que j'aime bien moi. J'ai un trou de mémoire. Alors Giroud. Non le petit Griezmann. Ouais Griezmann. Ah. Putain c'est Flo Décadeau qui connaît rien en foot. T'as vu je suis quand même. Et là, lui il a une bonne tête, il a l'air malin. Ouais. Alors il a l'air malin, ouais. Non, ah, c'est vrai. Il a une bonne tête, oui, mais il a l'air malin. Ah, putain, t'es dur à quelqu'un. Non, mais l'équipe de France, les joueurs français, ils ont pas de bonne image. L'équipe de France, excuse-moi, c'est triste de dire que t'aimes un sport de débile. Je pense qu'il est un peu jaloux. Non, je suis pas jaloux. Elle est un peu jalouse là, justement. Non, Hugo Lloris, il est pas, oui, il est plus futé, je pense. Ah, plus que Griezmann. Griezmann, quand il parle, excuse-moi. Ah ouais, mais moi j'ai pas trouvé parler. Je le connais pas, mais bon. C'est toi qui regardes les interviews. Oui, c'est pour ça. Ouais. Voilà. C'est-à-dire, c'est vrai que lui est très intelligent. J'ai pas dit ça non plus. Non, non, attends, il y a des joueurs de foot très malins. Attention. Mais Vira, tous ces joueurs de foot, comment ils s'appellent? Zidane. Ouais, Zidane, Evra, pas bête, Zizou. Zidane, il s'en est bien sorti. Hein. Ouais, c'est vrai, non, c'est mais il sort bien qu'il est malin. Non, il est talentueux. T'as des rappeurs qui s'en sortent bien, qui sont débiles. Ouais. Oui, voilà, ça n'a rien à voir. Après, t'as des teubés partout, en vrai. Bah oui. Ouais, mais Thuram, il a l'air malin, Thuram. Emmanuel Petit, il a pas l'air con, Emmanuel Petit. Non, Franck Leboeuf. Youri Djorkaeff, il a pas l'air con, Youri Djorkaeff. C'est une autre génération, c'était avant. Non, là, là, je sais pas ce qui se passe dans ma tête, parfois. Je voudrais sauver la terre, parfois. Varane. Ouais, mais les mecs ils sont chroniqueurs, les anciens. Est-ce que les Zlatan, les Benzema ils seront chroniqueurs un jour à la télé? Tu les verras à la radio? Moi je pense pas. Non, mais lui il est un peu plus Kai en mode Kai 1. Ouais, il est un peu plus en mode rappeur. Un peu rebelle, ouais. Mais Pogba aussi. Ouais. Pogba. Mais comment il s'appelle Ginola, tu vois, c'est mec. Mais il est sur M6. Il était deux pieds en avant là. Non, c'est Cantona. Les deux ils sont pas bêtes. Mais c'était avant ça. Mais non, c'était. Je me tais alors. Oh là là. Mathieu Flamini est déjà multimilliardaire, il a créé une société de bio avec son frère. Ah ouais, putain. Très bien. Bon, il a raison, hein. Il a fait les bravo. Il y a au standard du monde, et on file le cadeau maintenant. Guillaume est le bon chiffre, 6-11-12. Il y en a qui me disent 190, c'est plus que 190. On cherche un chiffre entre 190 et 200. Une chance sur 10 de gagner une Xbox One, une PS4 ou une tablette Samsung Galaxy Tab A. Guillaume, donc. Et la bonne réponse avec votre numéro de téléphone au 612, les frérots de la Vega. Après Nicki Minaj, on écoutera tout à l'heure Nicki Minaj qui déchire le nouveau là. Qui s'appelle Hasta El Amanacer. On se l'écoutera en entier. Guillaume et le chiffre entre 190. Il y en a qui me disent 195. C'est plus que 195, moins que 200. On cherche un chiffre entre les deux. 199. Salut à toi, c'est moins que. Salut. 199. 198, c'est moins que 198. 06 95 39 52, etc. On cherche un chiffre entre 194 et 198. Guillaume, un espace est le bon chiffre au 6-11-12. Qui suis-je? Réfléchissez bien à ce que ça peut être. Entre 194 et 198. Oui, envoyez le bon score, c'est je t'écoute tous les soirs, tu cartonnes toi et ton équipe, mais moi, je cherche un film qui est passé le 17 septembre, un titre qui est passé le 17 septembre à 20h45. Ah bah, je n'arrive pas à retrouver le titre, il faudrait que tu me le dises le soir même. Ouais. Parce que là, tu me dis un truc qui est passé il y a 10 jours là, je vais oublier. Hein. 197, c'est le bon chiffre qui vient d'arriver. Bravo. 197, je l'entoure. On prend le logiciel, ça va sonner chez un d'entre vous et je vous offre soit une PS4, soit une Xbox One, soit des tablettes Samsung Galaxy Tab A. On parle de Fion dans deux secondes, on prend juste le logiciel. On file le cadeau direct là et on y va. Y'a des stories de fou, mais j'avoue que moi je l'aime tellement la nuit. On s'y donne rendez-vous, on rigole, on est fou, on fait passer l'ennui. Allô. Allô. Oui. Ça va ma chérie? Oui. C'est quoi ton prénom? Bonsoir à toi. Anaïs. On dirait que tu parles un petit chat. Bonjour. Non mais j'hallucine en fait. Ah. Bah vas-y, bah écoute, moi aussi j'hallucine de te parler Anaïs. C'est le plus beau jour de ma vie. Ouais, c'est vrai. Allez. T'es comment Anaïs? T'es à pied, en voiture? T'es quoi en dans voiture, le lit? J'arrive dans 30 secondes dans la maison. T'es d'où? De Bichulaire en Alsace. Ah là là, d'accord, très bien. Représente l'Alsace. 6-7-6-8. Non, 6-7, où ça? À côté de quelle grosse ville? 6-7. Strasbourg. Strasbourg, quoi. Strasbourg, ouais. Ouais. C'est ça, 20 minutes de Strasbourg. T'as quel âge, Anaïs? 23. C'était un jeu réservé aux moins de 22 ans, par contre. Ah, désolé, ouais. Anaïs. Ouais, ouais. On devait... Du coup, je vais devoir casser la tablette et te l'envoyer en deux. Ouais. Putain, tu l'as pas vu, Between, la série? J'en parlais l'autre jour, là. Ouais, j'ai pas regardé. Non. J'ai pas spoilé, non. Mais à partir de tous les gens de, au-dessus de 22 ans, ils meurent en fait. Non, ah merde. C'est un virus qui est fait en fonction de tes cellules plus sont vieilles. Donc ça tue tous les gens plus de 22 ans sur Terre. Nous on serait mort du coup là. Et voilà, tu serais mort. Voilà, je serais mort. Ouais. Merde, fais chier. T'as peut-être déjà le virus toi, je sais. Ah non, bah non, je suis encore en vie. Donc. Vu qu'il a perdu tous ses cheveux. Mais ça, j'y peux rien. Non mais tu sais que c'est dingue un virus comme ça, ça fait peur. Hein. Ouais, ah, mais c'est un film. Ah ouais, un virus qui est calculé sur l'âge des cellules. Ah ouais, ça c'est plus possible. Attends, et chercheurs, ils sont forts, attention. Hein. Ah, peut-être que le Varane, là, non, le mec qui a fait sa truc de biochimie. Famini, le, ouais. Famini, là. Peut-être que lui, il a bien peut-être, pensé. Peut-être qu'ils vont créer un virus mortel, hein, les mecs. Hein. J'espère pas. Tu travailles dans quoi, toi, Anaïs, de Strasbourg, à côté Je suis serveuse. Où ça? Dans quel. Oui, oui. Dans une pizzeria. Où ça? Sur Duren Bar. Ah, très bien. Sur Duren Bar. Et c'est quelle pizzeria? Pizzeria chez Eddy. Chez Eddy. Ah, c'est italien, c'est très bien. Chez Eddy. Vas-y, bah, dédicace. Hein. Et ça va, ça se passe bien la pizza? T'es toute seule ou vous êtes plusieurs? Je suis toute seule en tant que serveuse avec la patronne. Ouais, elle est sympa, la patronne. C'est une Rita de la patronne ou. Non, une portugaise. Une portugaise, c'est les Portos. Voilà, qui tient le. Tu fais des. Il y a des pizzas spéciales un peu, genre, un peu bonnes, un peu originales? Je dirais qu'il y a toutes celles qui sont habituellement. Après, c'est dégueulasse ou pas? C'est dégueulasse ou non? Dis pas que c'est dégueulasse. Non, c'est très bon. Non, mais dis pas parce que ouais. Hey, ça va vite. Hein, regarde, Alexis, il a baisé la sœur de son ex et il sait faire connaître du moins. Bon, vous bougez pas. On parle de Fion. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? T'as 5 secondes pour choisir une Xbox, une PS4 ou une tablette? Une PS4. Eh ben, je te l'envoie. Allez, bravo. Vous bougez pas sur Énergie. Il bouge pas. Le pack Énergie Apple Lady Gaga. Avec le tout dernier iPhone, plus l'iPad Air 2. Dès que vous entendez le double hit Énergie avec deux hits de Lady Gaga. À la suite, soyez les premiers à appeler Énergie 3937. Et vous gagnez le pack Énergie Apple Lady Gaga avec l'iPhone 7 et l'iPad Air 2. Pop, R&B, dance. Ici, c'est NRJ. Dès demain, Darty vous connecte aux objets connectés avec le JT Hi-Tech. Salut, c'est Pépé Garcia. Energy Games m'a confié une mission, rendre la high-tech ludique et interactive. Pour y parvenir, rien de plus simple. Des invités drôles, des produits innovants et surtout du public. Rendez-vous sur energygames.fr pour le JT Hi-Tech. Energy Games, play again. Jouez encore. Gagner des consoles PS4 pour la sortie du film Les 7 mercenaires avec Énergie. Pas qu'on va devenir potes. Écoutez Coé de 19h à 22h sur Énergie et gagnez des consoles PS4. Pareil que ça va mal finir. Les 7 mercenaires avec Denzel Washington et Chris Pratt le 28 septembre au cinéma. Aidez-nous, je vous en prie. Avec Énergie, it's music only. Tous les jours, vous vous interrogez. Pour cesser de vous tourmenter, envoyez par SMS QUAND, QUAND au 7212. Notre équipe se tient dès maintenant à votre disposition pour répondre à toutes vos questions cruciales. QUAND au 7212. 65 centimes plus prix du SMS, e-Énergie. Vos stars Énergie préférées sont toujours sur la scène du Énergie Music Tour. La plus grande tournée musicale gratuite redémarre. Il sera à Marseille le 29 septembre. Sur scène. Tal. C'est les frérots de la Vega. Alonso. Stéphane Sam. Amir. Sao. Willy William. C'est Boosty. Carlos Dream. Evangeline. Et Black Air. Le Energy Music Tour le 29 septembre. Pour la foire internationale de Marseille. Au Parc Chalot. Un événement Energy. It's music only. Et surtout, n'oubliez pas de choisir un Sam avant de sortir. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Il n'y a que deux choses à retenir. 22h, du lundi au vendredi, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez sur Énergie là. Oh yeah, back dominating the debate. Now they take a second take. Oh, hold up, wait, it's time to skip all the other stuff. It's shining sharp, be the sharpest, that's why he cutting up. You don't know Skip Bayless rap, you've been under one. Eyes don't lie, just hope you see where I'm coming from. Numbers don't lie, it's the Fox Sports 1-1. No mercy. No mercy, and I won't back down. No mercy, no mercy, no mercy, and I won't back down. No, let's go face to face. I embrace debate. I don't make mistakes. I just make my case. Drop spike. Allez, on s'écoute Nicky Jam. Juste après, on parle de cul les quelques minutes qui nous restent. I don't like the day I'm not de donde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Óyeme, mamá. necesita. Tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, mami, vamos a darle. Rumbeando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. Me voy acercando hacia ti y te digo suave el oído. Escúchame, mami, yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Y tú me dices, estás muy loco, deja eso, mami. Yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Me muero por llevarte. ¿Cómo tú te amas? Yo no sé. Il n'y a que deux choses à retenir. 22h, du lundi au vendredi, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Moi, j'aurais quand même passé 3 heures, en 2 heures et seulement 3 morceaux. Ouais, ça va. Geoffrey qui est là. Ah, putain, on va parler de sexe, les mecs. Demain, on se fait une spéciale autorisation d'aller niquer ailleurs en couple. Ah ouais. Est-ce que vous avez déjà été en couple et vous avez autorisé votre copine ou votre mec à aller coucher ailleurs? On va en parler. JM, ça s'est déjà arrivé, toi, de laisser aller coucher une fille ailleurs? Non, j'y arrive pas. Ouais. Franchement, ouais, je suis un peu trop possessif pour ça. Ah ouais. Après, si je reste avec une fille longtemps, peut-être que ouais, sur le long terme, je vais essayer, tu vois. Ouais. Mais bon, moi aussi, il faut aller coucher ailleurs. Mais là, sinon... tu te sens pas capable encore de le faire. Ah non, quasiment pas. Ouais. Il y a Pierrick de Morestel. Tu m'entends, Pierrick? Ah, non. Non, vous allez faire je suis avec ma sista, ma besta, la meilleure amie. Tous les matins, on va, on court ensemble dans le bus, dans le car, on écoute du Nekfeu et tous les autres albums qui sont sortis. Yo, moi c'est la sista, la besta. On écoute tout, énergie, et musique only, même au lit. J'ai plus de rime, dis de la merde. Je pose mon flow. Ma sœur, elle a le meilleur flow du quartier. Le matin, quand elle prend sa voiture, tout le monde lui dit: putain, mais c'est toi que j'ai entendu hier à la radio en train de rapper. Et quand elle arrive le matin, elle prend sa plus belle cape, ses plus belles chaussures et son plus beau brushing. Elle arrive, elle éclate toutes les autres. Elle passe devant du télé-shopping. Mouah. Ouais, le shopping, j'y vais en bus. Je fais de la place, tout le monde se lève pour moi. Mon permis B est périmé, je sais plus quoi dire, j'ai pas le permis. Ha ha ha, minuit 00. Elle a pas de carte bleue, mais la dernière chose qu'elle a achetée, c'est un god. Et quand elle est allée se balader, c'était au bois de Boulogne. Elle est passée devant moi, je lui ai dit: mais qu'est-ce que tu as acheté? Elle m'a dit: je ne préfère pas ne pas en parler. Et je lui ai dit: cousine, j'ai l'impression que tu dépenses beaucoup dans des cachotteries. Elle m'a dit: oui, tu sais bien, il faut bien que je remplisse les trous. Je n'avais plus de rime. C'est pas facile à faire. C'est hyper dur. Non, j'aime le standard. Ah, il faut qu'il essaye. Il faut qu'il essaye. Pierrick de Morestel, enchanté Pierrick. 19 ans dans le 38 dans l'Isère. À Grenoble. À Grenoble. Ouais, ça va, Pierrick. Enchanté. Merci d'appeler. Tu es celui qui va fermer la boutique ce soir. Tu sais derrière qui on va fermer le rideau. Et laisser Mickaël dans un instant. Mais d'abord, Pierrick, 19 ans. Travaille dans quoi, toi, Pierrick? Je rentre en gendarmerie, donc à la fin de la semaine. Là. Ah d'accord. T'as été pris ou tu vas faire le concours? Non, j'ai pas fait les concours et je rentre à l'école en fait. D'accord, okay. Ah ouais, c'est bravo. Bien. Bravo. Hein. Il paraît qu'il est dur le concours quand même. Bah ouais, ça. Non, franchement, ça va. C'est, ouais. C'est moins dur que ça en a. Pareil, c'est pas si facile que ça. Ah bon? Ouais. Ah, ouais. Non, mais quand même. C'est vrai? Ah ouais. Après, c'est toujours les mecs qui réussissent, ils disent c'est si sûr que ça. Il faut le bac quand même. Ouais. Il faut le bac ou pas pour gendarmerie? Non, pas forcément. Pour rentrer directement en sous-officier, ouais, pour faire du gendarme adjoint volontaire, c'est pas obligé. Ouais, et après, tu évolues quand t'es à l'intérieur, de toute façon. C'est bien ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Très bien. Qu'est-ce qui t'arrive alors? Eh bah, ben, c'était par rapport au fait des meilleurs amis à qui on parlait plus. Ouais. Donc bah moi j'avais un meilleur pote, donc on était super proches, on se voyait quasiment tous les deux jours, enfin voire même tous les jours et tout. Et en fait donc je rinçais tout le temps tout le monde, enfin je faisais des soirées tous les week-ends, voilà. Et donc du jour au lendemain, plus de nouvelles. Et j'ai appris en fait qu'ils faisaient tous des soirées dans mon dos sans jamais inviter personne, enfin sans jamais m'inviter en fait. Donc voilà, et quand je lui ai demandé des explications, il m'a dit j'ai pas pu t'inviter, j'avais plus ton numéro. Donc voilà, ça, au bout de 2-3 fois, j'y allais tous vous faire voir. Ouais, il se foutait un peu de ta gueule. L'arnaque, ouais. Mais parfois, tu sais, il faut laisser les cons avec les cons. Ouais, mais oui. Faire du tri dans les amis. Faut pas se dire je vaux moins qu'eux parce que je suis pas invité. Parfois, ouais. C'est les abrutis qui restent entre eux. Et ils te méritent pas. Tu sais, les humains, c'est comme des bandes de poissons. Hein, on traîne avec les gens pareil que nous. Non, mais c'est vrai. Et parfois, tu traînes avec des gens et tu t'en rends pas compte, en fait. Et... Ah ouais. Non, mais ouais. Ils sont pas assez philosophiques. Je pense que les humains sont des animaux comme les poissons et les poissons ne se mélangent jamais. Et je pense que... si, on se mélange. Non, mais on se mélange. Peut-être pas au niveau des caractères. Non, mais en fait, sans t'en rendre compte. Je parle pas de couleur, là. C'est-à-dire que tu peux avoir un peu trop de noir. En même temps, ouais. Mais c'est avec les mêmes à l'intérieur, je parle. Par passion, ouais. Par intérêt, non, par son intérêt. Oui, par génétique. Je pense que tu te mets avec les mecs qui te ressemblent intérieurement. Pas forcément, après t'es pote avec lui, donc exactement, tu partages. Exactement. Mais ça, c'était une étude, j'en avais déjà parlé. Ouais. Il paraît que génétiquement, t'es très proche de tes amis, tout le temps. Bah oui. Et ça, comme je dis, aucune histoire de couleur ou quoi, c'est génétiquement, plus que ta psychologiquement, famille. Etc. J'aime bien, tes potes te ressemblent. Ouais, c'est vrai. C'est le même genre de gars. Oui. S'il y en a un qui est plus grand que l'autre, il y en a un qui a plus de barbe que l'autre. C'est vrai, c'est ça. Exactement. Attends, je suis un stagiaire. T'es très pote avec tes potes, voilà. On se ressemble à l'intérieur. Que non mais pas forcément ça. De vous aimer, de vous retrouver, de vous faire des bisous. On se ressemble. Bah ouais, amicalement. L'un n'empêche pas l'autre quoi. Effectivement ouais. Non, mais c'est vrai, bah, en tout cas, on va parler demain des droits de baiser à l'extérieur. Je te fais une bise, mon Pierre. Tu veux faire une dédicace avant de partir? Ouais, je fais une grosse dédicace à Clément. Il se reconnaîtra. Il écoute en ce moment et on rentre en gendarmerie ensemble. Donc grosse dédicace. Ça va, t'es content de rentrer en gendarmerie là? Ça fait plaisir. Ouais, je tiens plus, j'attends que ça. C'est vrai, bah j'imagine. Avec l'uniforme. Ah, c'est trop bien. Ouais. Non, mais c'est trop bien quand tu commences un nouveau boulot en général. Là, t'imagines. À une semaine de commencer un nouveau taf, t'as pas peur un peu? T'as pas une petite crainte de pas être à la hauteur? Franchement, ça va. J'avais peur quand j'ai passé ma visite médicale que je sois recalé pour X ou Y problème, mais franchement, maintenant que j'ai passé la visite médicale, ça va. Ouais. Ouais. Moi j'aurais peur de pas être à la hauteur, de me dire putain, imagine je me fais casser la gueule. En plus t'as une arme. Il t'entraîne justement. Ouais. Non mais il t'entraîne, mais quand même je me dis putain, j'aurais quand même un petit peu. Après il y a des meufs et tout. Ouais. Ouais, tu mets les PV, faut aimer quand même. Non mais il y a pas que les PV. Non mais c'est partie du job. J'aurais peur. T'aurais pas peur, j'aime son art. Si tu disais demain tu passes en tant que gendarme, tu conduis la voiture, t'as une bande qui arrive sur toi, qu'est-ce que tu fais toi? Ouais, je suis au chaud un peu, ouais, je pense. Ouais. Ouais. T'aurais peur un peu. Ouais. Un peu, mais après tu vas, c'est le job. Flo des calots, t'aurais aimé être gendarme. Franchement, non, je pense pas. Ouais. Non, j'aurais pas eu l'autorité déjà. On m'aurait jamais pris au sérieux, je pense. Imagine le gars. Il a suicide avec lui-même. C'est vrai. Et bah, bon courage à mon Pierrick, en tout cas, pour le boulot. C'est gentil, merci. Salut, bah, kiffe bien. Top, changez rien. Bah, merci beaucoup. Merci. Et on vous laisse avec Mickey, je vous dis à demain, les gars. Facebook, Twitter, Instagram, Guillaume Play, PLEY, JM du Standard. Bonne nuit. À demain, Guillaume. J'ai un stagiaire. Bonne nuit. À demain. Dormez bien. Julia, bonne nuit aussi. Bonne nuit, Guillaume. Bonne nuit. Et c'est beaucoup livré, Julia. Ah ouais, on a beaucoup plus parlé de bravo. Ouais, à demain, Flo les cadeaux. Bonne nuit, Guillaume, à demain. Ah, on a parlé beaucoup aujourd'hui, hein. Ça, on s'est pas arrêté. Hein. Ah, bah, écoutez, dormez bien, kiffez bien, embrasse pour les cours demain, le boulot, là, Guillaume Play, PLEY, Facebook, Twitter, Instagram. À demain, les mecs. Et je vous laisse avec Mickaël. J'appuie sur le bouton, normalement, il m'entend. Oui, tout à fait. Dans le studio, la connexion est quand même incroyable. Hein. T'as vu ça un peu, avec le bon son et tout, c'est magnifique. Ah non, mais c'est impressionnant. Hein. Exceptionnel. J'ai vu qu'Amina, là, on profite pour faire beaucoup de voyages le week-end. Hein. Ah, bah, ouais, t'as vu ouais, alors on en parlait hier. À ton avis, est-ce que tu peux techniquement, quand t'es Amina, enfin oui, quand t'es Amina, oui, mais quand t'es une meuf normale, aller à Londres avec un ami, dormir dans la même chambre, dans le même lit, et il ne se passe rien. Mais c'est tout le paradoxe que j'ai eu du mal à comprendre. Voilà. Non mais c'est sûrement tristement vrai quoi. Ah, parce que le mec, non mais le pire c'est pas elle, c'est le mec qui s'est fait des films. Je vais la voir, je vais jusqu'à Londres, c'est obligé. En plus, c'est lui qui a dû payer le voyage. Est-ce qu'il s'est fait payer le voyage? C'est ça la vérité. Mais c'est une blague ou quoi? C'est la question que j'ai posée. Bah oui. Mais absolument pas. Non, tu t'es pas fait. C'est un truc de fou quand même. Attends, un mec qui te paye un. Ça peut arriver d'un traquenard, tu vois. Un mec qui te dit j'ai pris deux chambres et puis en arrivant, il n'y a qu'une chambre finalement, vas-y, on dort ensemble et tout. Non, c'était pas un traquenard, tout était prévu, c'est un ami, c'est tout. C'est pas parce qu'on dort nu avec les gens qu'il doit se passer quelque chose. T'as bien changé, t'es devenu sale. Tu dis salut, ma pauvre. C'est plus la même. T'es en train de déteindre, Amina, tu déteins. Non, tout va bien. C'est bien. C'est plus la même. C'est Jesse Gir, il dort nu avec ses cousins. Non, il dort tout seul. Avec mes cousins. C'est normal, la famille, avec mon père aussi. Ah ouais, je fais chez mon père. Si Je sais pas, ça part. Avec des copains, t'as jamais dormi nu avec un mec, je sais. Ah non. Non, avec un pote. Seul. À Londres. Non, Londres. Un week-end. Non. C'est marrant. Et il a même pas essayé, Amina, de te pécho, le mec? Si, vite fait le matin. Ah, même. Non, mais genre trois gratouilles. Bah, il avait un braquemar, un truc, une montagne. Ouais. J'ai pas voulu regarder. Et le pauvre malheureux, ça fait maintenant 24 heures qu'il se branle tout le temps. C'est ça. c'est dramatique. Mais en même temps, Amina, la nuit, tu t'es mis en mode sexy ou tu t'es mis en mode sale genre? Non, je me suis mis en mode très très sale, j'avoue. Ouais. J'avais le pyjama grenouillère pilou-pilou. C'est avec la tête de nounours là. Pilou-pilou. Mais c'est improbable. Bon, enfin, je vois très bien. On l'a déjà vu dormir, Amina, parce qu'on a fait plusieurs déloges dans des villes. Et c'est vrai que la nuit, elle peut se mettre en mode répulsif pour moi. Oui. C'était le but. Hein. Ouais. Écoute, on verra. Si t'as gratouillé, c'est que déjà il était chaud. Ouais. C'est pas un oui, mais il y a plein de revers après. On vous laisse refaire ce détail. Allez, pas de problème. Ça roule. Allez, salut, Yann. Ciao. C'est la rentrée. Tu regrettes déjà tes vacances? Tu étais tellement bien. Le sable chaud, les terrasses, le soleil, les bikinis, les jolies filles, les balades, la nature. Mais tout ça, c'est terminé. Même ton bronzage est en train de se barrer. C'est normal. C'est la rentrée. T'es pas bien. T'es pas heureux. Tu vas rentrer pour travailler. C'est comme ça, t'as pas le choix. Il y a le métro, les heures de pointe, les bouchons. Tu vas râler. Tu veux tout claquer. T'es fatigué. C'est normal. C'est la rentrée. Il y a l'école, les nouvelles têtes, te lever tôt. Il y a le boulot. T'étais pourtant si bien, zen et reposé. Je t'ennuie déjà. Normal, c'est la rentrée. Tu ne penses qu'à une chose, à tes prochaines vacances. Mais prends ton temps, c'est dans longtemps. Pour le moment, c'est la rentrée. En attendant, y'a Mickaël sur Énergie. Toutes les nuits de minuit à 4h. Allez, c'est parti, bonsoir tout le monde, minuit 9. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne soirée hier soir avec nous, entre 20h et minuit. On était là, tranquillement, on va se mettre du son, soir, on va se mettre bien aussi. Tiens, avec Ken Jones qui arrivera, tiens. On met ça avant 1h du matin. Il y a un message de Léo qui dit salut tout le monde. Salut Léo, il y aura Alonso également, qui était chez Koé tout à l'heure. Vous voulez revoir tout ça, c'est sur la chaîne YouTube de Koé que vous allez cliquer tout simplement. Il dit Vita ou Binta? Binta. Ah d'accord. Il y aura Charlie Puth également avec Selena Gomez et puis Nicky Jam. Voilà, il y a Toff qui va bien, qui a passé une bonne journée. Oui, merci. Très bonne. Oui, très bien. J'ai appris que Marie, je déménageais. Tout va bien. Enfin, ça, je l'ai pas appris, hein. Je le savais déjà. Oh, tu savais déjà, mais enfin bon, voilà. Là, il faut que j'aille faire mes cartons. Ah oui, c'est vrai, la chambre d'enfance et tout. Bah, je sais pas. Incroyable. Voilà, je cherche aussi quelqu'un un endroit pour stocker. Bah attends, mais il reste beaucoup d'affaires à toi ou pas? Bah oui, il reste toute une vie. Attends, mais vas-y, tu sais quoi? Et en plus, tu sais que je suis un mec qui conserve. Non, attends, on va faire l'émission direct là, on fait le ménage. Ouais, si tu veux. Dans la chambre, hein? Dans la chambre historique de ta mec. Ah oui! Allez, vas-y, t'envoies ta mère. Il y a des tâches de foutre et tout. Non, mais t'envoies ta mère en week-end. On fait ça un dimanche soir ou tu vois, quand ils sont pas là, parce qu'on va pas déranger tes vieux à minuit. Il faut que je regarde parce qu'ils partent bientôt en vacances. Là. Tu me racontes ta vie là, non? Bah non, je te dis quand ils sont pas là. Non mais attends, on fait l'émission chez Toff, ça serait génial. Ouais, je vais en parler ce week-end. Dans la maison, la chambre historique. Ouais, je vais en parler ce week-end. Tous ces événements. Oh, ça peut être j'ai génial. J'ai dormi déjà chez Toff. Ah oui. Tu racontes ta vie aussi, toi, par contre. Hein. Ouais, ça. Il y a Estelle qui dit ouais, super de vous retrouver, on va se marrer. Bisous à toute l'équipe. Salut Estelle. Il y a Caro aussi. Bonsoir à l'équipe. Tous au rendez-vous pour rire avec vous toute la nuit. Et puis Toff, sale chien, enfant de poubelle. Je te dilate le cul à la tronçonneuse, enfant de salope. Merci beaucoup. C'est Aziz, le GPS. Ah, oui. C'est plus la boussole maintenant, c'est le GPS. Oui. Il a changé le pseudo. Amina va bien? Oui, Amina va très très bien. Bon, bah tant mieux. Alors parfait. Elle parle d'elle au. Elle se kiffe, ça va plus tranquillement. Polo aussi en forme. Ça va très bien, pardon. Bon, très bien. Et puis Seba au standard au 01 40 71 5000. Tocard. Seba qui est en stress. Demain il y a le Real qui joue, donc bon forcément le stress monte. Hein. n'est-ce pas? Le stress monte ou pas? Tout doucement. Tout doucement. Par contre, je veux bien que Toff dépose ses affaires dans ma cave, c'est pas loin. Dans ta cave? Bah ouais. Et y a de la... c'est fermé, sécurisé un peu ou... Mais t'as quoi? Il y a quoi? Il y a ton vieux lit tout pourri. Non mais c'est pas une place de parking, je veux dire, c'est un truc fermé. Non, c'est une cave quoi, une vraie cave. Mais d'accord. Combien tu lui demandes? Fais pas ça gratuit, t'es con quoi toi? Je vais revendre tout ce qu'il a, c'est tout. Ah ouais, tu vas revendre tout ce qu'il a, ouais, c'est sympa, ça. Bonne ambiance ici. Ah bah ouais, bonne ambiance, bien sûr. Bon, 0140 71 5000, numéro du standard, vous passez au standard puis vous passez à l'antenne tranquillement. Si vous êtes en Belgique, faites le 02 703 007 1 et puis par SMS, Facebook, Twitter, Instagram, les SMS c'est 612 débuté par Mickaël, votre message et laissez votre numéro pour qu'on passe en direct. Il y a Vince qui dit Sagaz et Loulou, c'est reparti pour la nuit. Kevin aussi qui dit allez c'est parti. Mickaël sur Énergie débarque toute la nuit avec Seba, Mina, Mickaël et Toff évidemment. Léa aussi qui est là, salut à toi Léa. Et Jus, merci à vous d'être là toute l'équipe. Mickaël, vous allez me remonter le moral. Je viens de me faire voler mon téléphone tout neuf. Oh la poisse. Bah reste bien à l'écoute. Hein. Bah je sais pas, mais reste bien à l'écoute parce que justement il y a des iPhone 7 à gagner et des iPad R2 également avec le double i. Dès que vous entendez deux sons de Lady Gaga, faut nous appeler. Et si vous êtes dans les premiers, bah vous gagnez. C'est pas compliqué, ça peut se passer à n'importe quel moment, dans la journée, dans la nuit, ça peut se passer n'importe quand. Donc restez bien à l'écoute. Bon, minuit 12, on va prendre Pierre aussi dans quelques instants. Et puis ah oui putain, je sais pas si vous avez déjà fait des blagues stupides à vos potes. Amina, t'en as déjà fait ou pas toi des blagues stupides? Oui, elle nous en a raconté une belle dans le train. Ah, qu'elle a fait dans un train. Ah oh non, c'est long. Non mais en deux c'est mots, chiant. En gros, j'ai fait une blague dans le train. En fait, ouais. J'ai inversé. Ouais, t'as raison, c'est chiant. Ah, mais bon, c'est... et donc du coup, je voulais savoir parce qu'il y a un couple qui a retrouvé sa maison entourée de 1190 casiers de bière. Ça, c'est drôle. Ah, ouais, ça, c'est drôle, ouais. Alors, je vais vous mettre la photo sur Facebook, Twitter et sur Instagram. C'est MIKL officiel. Et en fait, ce sont leurs amis qui ont voulu leur faire une petite blague pour leur mariage. Bon, la bonne nouvelle, parce qu'à la base, tu peux te dire putain, c'est casse-couille quand même, hein, le coup des la montagne de casiers de bière là. La bonne nouvelle, c'est que bah ils vont recevoir 2,10€ pour la consigne de chaque casier. Soit 2500€ quand même, hein. C'est sympa. Ah ouais, ça va, c'est un beau cadeau quand même. Moi je veux bien qu'on vienne me mettre ça devant chez moi, hein. Enfin faut tout boire. Non bah il faut tout boire, oui, ah il faut ouais. Tout boire, ouais. Ouais, enfin c'est pas très grave, hein. T'invites des potes qui ont une descente facile, ils vont être contents, toi tu récupères 2500€, finalement c'est pas mal. Donc venez nous dire ce que vous avez déjà fait comme blague à la con. 01 40 71 5000, Toff t'en as déjà fait? Ah oh, oui. Moi je fais jamais de blague à la con. Non, jamais. Je n'oserais oh pas là faire là, ça. C'est pas la spécialité son de Toff, c'est quand t'es à la plage. Le soleil, attends, dis rien. Okay. Je vous propose qu'il fasse ça sur Amina. Quand on est à Los Angeles dans deux semaines. Je sais pas de quoi il s'agit, mais je prends très très mal les choses. Hein. Non, mais ça va. Bon, allez, je peux m'acharner sur Toff pendant une semaine. Hein. Bah alors très bien, bah voilà, parfait. Et bien, tu dis d'accord, je t'explique. C'est pas. Ok, d'accord. Y a rien à voir avec du sexe ni quoi que ce soit. Bah encore heureux, mon copain. Non, mais je veux dire, t'es pas peur, quoi. Non, mais genre, le truc. Bon, t'es d'accord. Oui, d'accord. Bon, parfait. Alors, Toff est ravi. Alors, il est déjà en train de. Ça fait longtemps qu'il n'avait plus fait son jeu. Ah oui, c'est tellement gay. Et bien, ce qu'il fait, c'est qu'en règle générale, quand il est à la plage, à la piscine, bref, là où il y a du soleil, où il y a du bronzage à faire éventuellement, ouais. Et ben, il dessine une bite sur le dos. Ah ouais, mais avec non. De la crème solaire ou avec de l'huile, c'est pour accélérer. Non, le mieux, c'est que tu mets de l'écran total. Partout. Et ensuite, avec genre un auto-bronzant ou un truc comme ça, tu fais ton dessin. Voilà, et c'est alors, ça. Voilà. Il fait ça sur le dos ou sur la jambe. Résultat, t'as un coup de soleil en forme de bite. Il est content. Il va de et voilà. Ah ouais. Et voilà. Et donc comme Amina a accepté, donc elle aura une grosse bite dans son dos. Non. Mais si, mais attends, petite, ça part. Vite fait sur la jambe. Une petite, voilà, si tu veux, ouais, voilà, une petite. Bon bah nickel. Est-ce que quelqu'un peut couper ce morceau? Une petite vite fait sur la jambe. Et ben bah voilà, c'est bah va faire ça, tiens. Bon, minuit 14, minuit 15 même pour être précis. Si vous voulez, si vous avez déjà fait des petites blagues débiles, appelez-nous au 01 40 71 5000 et puis on va s'écouter le premier son de ce soir là. C'est Mike Perry maintenant. On est tranquille. Vous nous appelez si vous voulez passer en direct à l'antenne. On va se faire les appels mal intentionnés tout à l'heure. C'est lundi, donc le lundi forcément, c'est le chéri, je peux te faire cocu. Xbox One a gagné, PS4 et Galaxy Tab E. Sympa. You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need. All I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border. Like the air I breathe. I let you in. Keep me warm. sur Énergie. Passez une bonne nuit tout le monde. Il y a le son de Ken Jones qui va arriver. Être à l'aise. À l'aise, hein. Ne se soucier de rien. Et c'est bas. Profiter du moment présent. Ouais, toujours. Ne se soucier ni d'aujourd'hui, ni de demain. Être toujours, c'est tranquille. C'est bas. C'est ça, Nigel, sur Énergie. Ouais. Être en paix et être tranquille. Tous les soirs, de minuit à 4h. Ouais, c'est ça, à l'aise. C'est le bon résumé de Seba du standard, tiens. À l'aise, tranquille, à la cool. Bon, 01 40 71 5000, si vous avez envie de passer en direct dans l'émission. Jeanne-Françoise qui dit, le mec se fait voler son téléphone et tu lui dis d'appeler dès qu'il y a le double hit. Comment retourner le couteau dans la plaie? Ouais, bah attends, il a perdu son téléphone portable, ça. C'est une fille, il a peut-être un fixe. Ouais, bon, déjà, c'est une fille, mais il a peut-être un fixe. Oui. Voilà, ça n'empêche pas de jouer. Il y a Jennifer qui dit, bonsoir Mickaël, je suis heureuse de vous retrouver dès minuit. Ça me fait très plaisir de vous entendre. Bisous, c'est Jen du 25, salut à toi Jennifer. Il y a Seb aussi qui est avec nous. Salut Seb. Salut Mickaël. De Quimper? Non, pas du tout, de Montpellier. Ah ouais, bah on préfère de Quimper. Non, on rigole, Seb de Quimper qui évidemment est un fidèle qui passe assez régulièrement. Bon, salut Seb de Montpellier, t'as passé une bonne journée? Ouais, très bonne. On a fait du boulot en fait. Ah bah d'accord, ok, c'est cool. Tu fais quoi comme taf? Je suis dans la restauration. Ah putain, ouais, c'est moins cool. Enfin, c'est moins cool. C'est les horaires de merde quand même, la restauration. Pour avoir deux cafés, l'addition, s'il vous plaît. Le deux cafés. Non, alors tu vas voir que si jamais un jour t'as Polo qui vient à Montpellier, ça, il va prendre son repas. C'est et après, vrai. Une fois que l'addition sera arrivée, à dire je vais prendre un café en plus. Ah. 9 fois sur 10, il est gratuit. C'est quoi ces conseils d'enfume? Ah, c'est pas vrai. Non, mais, c'est pas vrai. Bah, attends, toi, vrai ou faux? Polo ne fait jamais ça. Merci Christophe. Quel menteur. Tout ça parce que t'as peur de Polo. Non, il a chien, pas peur. Je ne le fais mais pas. Bien sûr. Mais non, j'ai envie de boire un café. Je commande un café. Je veux le payer. Le mec, il ouais, me dit c'est bon. Bah oui, oui, bah. Forcément, tu le commandes quand il a déjà fait toute l'addition. Ça le fait chier quand même. Hein. Et alors, il l'encaisse quand même. Bah ouais. Tiens, il y a Vince qui dit Los Angeles, putain, la chance. Il y en a qui s'emmerdent pas. C'est oui, pas bah on va faire l'émission là-bas. Et à nos frais. Hein. On n'est pas invité par Énergie ou par je sais pas qui. Hein. C'est nous qui payons. Normalement, on a une semaine de vacances.